de la poudre et des balles. Voilà, il faut donner à Zelensky de la poudre et des balles. La conviction que j'ai, qu'il appartient aux juifs en moi de travailler à la rédemption du reste des humains. Petit coup de l'âme de l'humanité. C'est ça être juif. Sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 8, épisode 17. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous écrire à notre adresse email, dempart@dnmx.org, je répète, dempart@dnmx.org. ELB, on travaille sur le forum, le retour du forum, donc patience. On a des difficultés techniques à surmonter, ça fait partie du genre. Vous vous rappelez du projet de réseau social alternatif sur Tor, décentralisé sans censure, Idencia. Tout est expliqué sur la partie droite du site internet d'Empart, qui est en point quest en ce moment. On verra à quel point ça sera par la suite. Censure oblige. Et si vous sentez l'âme d'un mécène pour financer ce réseau social, n'hésitez pas à verser votre obol là-bas, tout est expliqué, il y a une fiche technique aussi sur GitHub, si vous êtes un petit peu passionné de technique, tout y est, c'est un projet qui a notre soutien et qui va faire nécessité selon toute vraisemblance. Au passage, vous pouvez imprimer nos tracts, qui sont en libre disposition, libre service, toujours sur le site internet, imprimé en format A4, si vous, comme une feuille normale, à plier en deux, ou alors en format A5, même en format flyer, c'est-à-dire A6, c'est-à-dire l'équivalent de 4 exemplaires sur une même feuille A4, une feuille classique, que ensuite vous coupez en 4, et à distribuer dans les boîtes aux lettres, par exemple. Toutes les consignes sont précisées, les consignes de sécurité sont très importantes, pour pas manipuler les tracts avec ses mains, jamais, ni le papier. Quand vous allez imprimer, prenez soin de pas garer votre voiture sur le parking pour pas qu'il y ait une caméra qui regarde, ni à côté, il faut être prudent de ce côté-là. Toujours avec un masque sanitaire, aussi une petite capuche sur la tête, toujours la même histoire. Tout ça est expliqué, il faut être prudent, parce que c'est pas anodin comme distribution de tracts, mais ça fait réagir et c'est très utile, très important. Car l'objectif, évidemment, c'est de faire réagir massivement. Cette semaine, ça a réussi, sur Twitter, sur BFM TV, on a une couverture très ample, tant mieux. Alors, s'ils n'en parlent pas, c'est tant mieux, ça veut dire que les tracts se diffusent sans opposition aucune de la part des médias ou du système, ou très peu. Et s'ils en parlent, c'est très bien aussi. Donc, de toute façon, dans les deux cas, on est gagnant, donc on est content. Voilà, j'en profite aussi pour saluer Flavio. Un combattant, me semble-t-il, de... Je sais pas si Free Fight... Excusez-moi, je suis pas versé là-dedans, mais combat organisé, c'était par Ibra TV. Il me semble que c'est des Tchétchènes, quoi. Sous toute réserve, je crois que c'est des Tchétchènes qui organisent ça, donc ça tourne l'univers du sport de combat, tout ça. Et Flavio a porté... Donc c'est un combattant, belle bête, belle bête arienne, là, ça fait plaisir de voir des blancs qui se tiennent bien, avec un petit symbole de la phalange qui ne m'a pas laissé indifférent, je dois le dire. Et comment dirais-je, il a passé un message de soutien à Vincent Renoir, et ça a cartonné sur les réseaux sociaux. Rien que sur Twitter, ça a fait presque 3 millions de vues. Hallucinant, je veux dire. Donc, ça veut dire qu'en dépit de tout, en dépit de la censure qui règne, les gens connaissent Vincent Renoir, ils connaissent sa situation, c'est-à-dire qu'ils savent qu'il est interné en Écosse Alors qu'en Écosse, ce pourquoi il est poursuivi n'est pas illégal, faut-il le rappeler. Il est interné à la demande du gouvernement français, entre guillemets, hein, c'est le gouvernement d'Emmanuel Macron, mais surtout des Juifs. Et j'en profite aussi pour saluer Faits et Documents, puisqu'ils ont précisé dans leur... j'ai plus le numéro de la lettre, d'ailleurs, excusez-moi, j'ai plus la référence, l'équipe de Faits et Documents ne m'en voudra pas, mais ils ont précisé un petit peu les commanditaires. Alors nous, on avait fait notre travail sur démocratie participative, on avait expliqué qui, en Grande-Bretagne, avait été la courroie de transmission du gouvernement français pour faire arrêter Vincent Reynouard. Donc, on avait vu que ça remontait en fait au Rothschild directement, et on l'a démontré par A plus B, ça passait par un parlementaire britannique, qui est un des principaux fers de lance des intérêts juifs en Grande-Bretagne, et auquel on doit d'ailleurs la chute de Jeremy Corbyn, vous savez, l'ancien chef de file de la gauche britannique, réputé trop proche du Hezbollah, des Palestiniens, etc. Donc, en fait, les Juifs l'ont liquidé politiquement. Et donc, c'était ce député-là qui l'a fait tomber en alimentant une presse, une campagne de haine absolument hallucinante avec l'aide du Likoud, de Netanyahou, avec l'aide évidemment de Boris Johnson, qui, rappelons-le, dans sa jeunesse, a été en stage dans des kibbutzim. Hein, toujours bon à rappeler. Et donc, voilà, donc ça, on avait bien décrit. Mais Faits et Documents a donné un petit peu plus. Et donc, en fait, ils ont Elisabeth Bornstein, première ministre juive de France, a rencontré le CRIF. Et lors de la réunion, elle a explicitement dit qu'elle était derrière, à l'initiative et à la demande du CRIF, elle était derrière l'arrestation de Vincent Reynouard. Hein. Donc, voilà. On est au niveau gouvernemental, avec l'appui d'Emmanuel Macron, c'est évident, les intérêts juifs, ça passe par Rothschild, évidemment, je ne vais pas s'étaler. Donc, alors, si Vincent Reynouard racontait n'importe quoi, que ses vidéos à 3000 vues, 4000 vues reposaient sur du néant, vous pensez bien que ça ne susciterait pas ce niveau de riposte auquel on assiste, c'est entendu. Alors, nos auditeurs écoutent l'émission, ben, c'est simple, on est mardi du coup pour ceux qui nous écoutent et l'audition de Vincent aura lieu jeudi, c'est dans deux jours, donc on a une pensée pour Vincent, c'est le 8 juin hein, qu'a lieu l'audition, ceci un report de dernière minute, on ne sait pas, on va voir, on espère que ça se passera pour le mieux, c'est-à-dire qu'on espère que les Juifs connaîtront une défaite, on va voir, hein. On touche du bois, on ne sait pas ce qui va se passer, il est très clair que c'est Vincent quasiment seul. La vérité pour lui et de l'autre, bah, tout le cartel juif mondial qui veut sa tête. Rien de moins, je viens de le préciser. Voilà. Alors donc, je passe un salut amical à Flavio, que je ne connais pas, mais c'est quand même bien d'avoir des jeunes qui marquent leur soutien. Ils s'en foutent, quoi. Ils disent, ah bon, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Non, voilà. Libérez Vincent Reynouard. et voilà, et ça vous plaît, c'est le même tarif. Et les gens savent. Parce que sinon, ça ferait pas 2 millions de vues. Hein. Voilà. Les gens, ils entendent Vincent Reynouard, ils réagissent, ils voient, ok, d'accord, ok, voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire là-dessus, en guise d'introduction. Et maintenant, je salue les participants de cette semaine. Je commence, bien sûr, avec notre ami Hydromel, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre. Salut Hydromel, j'espère que tu vas bien. Bonjour Gandalf, ça va. Et bonjour à tous, et ainsi qu'aux auditeurs. Et alors, je vais reprendre le slogan de Flavio, qui est très très bon. Libérer Vincent Reynouard. Jean est aussi avec nous cette semaine, donc salut à toi Jean. Est-ce que éventuellement, sur la question alors peut-être pas la libération de Vincent Reynouard, même si on la veut tous, mais sur la situation de Vincent Reynouard. Salut Gandalf, salut Dromel, les auditeurs. Oh bah Vincent, moi je crois que là il est sur la voie du martyr, parce que bon, on sait la haine que la juiverie lui voue, hein, puisque même au dîner du CRIF avec Rothschild, le premier ministre d'une des grandes puissances mondiales, on discute du sort de ce brave homme isolé, seul dans une prison en Écosse, Donc, on verra, hein. On verra. En tout cas, oui, libérez-le, mais surtout, je suis à fond derrière lui en pensée, ce jeudi. Alors, je précise que si vous souhaitez écrire à Vincent Renoir, c'est encore possible, bien entendu. L'adresse figure sur notre site, à droite toujours. Il peut pas recevoir de la nourriture, mais vous pouvez toujours lui envoyer un petit mot. Je sais qu'il demandait de la littérature aussi, des livres, pas nécessairement révisionnistes ou ayant trait à la Deuxième Guerre mondiale. Il a déjà tout ce qu'il faut, mais plutôt des trucs à caractère divertissant, qui changent un peu l'esprit, changent les idées. Ça peut être à caractère philosophique, ça peut être à caractère complètement de divertissement aussi. Ça peut être des bandes dessinées, ça peut être vraiment plutôt de ce côté-là, pour changer un peu du quotidien. Voilà. Donc, mais ça peut être juste un petit mot, voilà, si vous pouvez. Évidemment, moi personnellement, je souhaite aussi la libération, parce que Vincent est un membre de l'émission, faut-il le rappeler quand même. C'est un membre de l'émission, donc on aimerait bien l'avoir parmi nous aussi quand même. Hein, quand même. Bon, on va voir ce qui se passe. Mais on croise les doigts, on touche du bois et on rappelle qu'on n'aime pas les juifs. Alors, je poursuis bien sûr avec nos donateurs. Donc, comme vous le savez, démocratie participative dépend intégralement de ses soutiens, uniquement. Voilà, c'est simple. Si on existe, c'est parce que des gens acceptent de nous soutenir avec un don, peu importe son montant. Mais c'est la somme de tous ces petits dons, de tous ces petits soutiens qui font qu'on est encore là, en dépit de l'écrasement, de la tentative d'écrasement complet du système. Comment dire, on reçoit des emails, bien entendu, et on nous pose des questions. On dit, mais les articles, les émissions, c'est très bien, ça, mais pourquoi pas, en réaction au tract, pourquoi pas organiser plus de... Mais c'est parce qu'on ne peut pas organiser comme on veut. On ne peut pas organiser comme on veut, sinon on aurait développé des activités dans différentes directions. Mais malheureusement, on ne peut pas. C'est que on ne peut pas faire comme on veut, et donc on est extrêmement restreint. On ne peut pas organiser une structure qui a pignon sur rue, c'est impensable, et vous imaginez bien. Voilà. Donc on a des contraintes qui sont des contraintes qui nous forcent quasiment à la clandestinité complète, n'est-ce pas? Donc on n'évolue pas du tout dans le même paradigme que beaucoup d'autres organisations, d'ailleurs dont je n'ai pas de mal à dire, mais qui ne se fixent pas les mêmes objectifs ni les mêmes contraintes. Alors c'est vrai que nous, on choisit d'être maximaliste, mais du coup, avec ça vient beaucoup, beaucoup de contraintes. Donc on n'a pas les coudées franches. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent, ouais, mais qu'il faudrait faire autre... Oui, mais c'est pas forcément facile. Donc ce n'est pas les idées qui nous manquent, mais nous affrontons un État. Ça change quand même beaucoup de choses. Alors, les tractages, l'organisation de cellules de propagande indépendantes composées d'une ou deux personnes, ça, c'est notre réponse concrète maintenant. On pense que c'est une façon de procéder pertinente. Ce n'est pas la seule, ce n'est pas la seule chose à faire. Mais c'est une chose positive à faire. Et donc, tout ce qu'on essaye de faire ne dépend que de nos donateurs. Alors, comme vous le savez, et toujours dans le même esprit de résistance, on ne passe pas par les plateformes qui existent, Litchi ou autres. C'est impensable pour nous. PayPal, la même chose. Donc, on passe par Monero. C'est une contrainte supplémentaire, parce que ça peut dissuader beaucoup de gens qui voudraient nous aider de le faire. Mais on préfère aller jusqu'au bout et se passer de soutien financier, plutôt que voilà, d'essayer de courir absolument après l'argent. Mais on est dépendant évidemment des donateurs. Donc, voilà, Monero, crypto-monnaie, pas très difficile à maîtriser, tout est expliqué à droite sur le site, encore une fois. Et voilà. Alors maintenant, si vous nous faites des dons, envoyez-nous des messages, on vous remercie, toujours un plaisir. Et à tous ceux qui ne nous envoient pas de messages, mais qui nous soutiennent quand même anonymement, merci à vous. On vous est extrêmement reconnaissant, cela va sans dire. Alors, don numéro 1, bonjour Gandalf, bonjour à toute l'équipe. Si contre ma participation démocrate mensuelle, alors c'est Jacques qui nous écrit, hein, au travail, nous avons eu la chance d'accueillir un jeune Éthiopien, ou Somalien, je ne suis pas sûr, visiblement descendant d'une tribu de pirates ou autres pillards avec un faciès particulièrement patibulaire. Je ne sais pas ce que mangent ces gens-là, ou combien de mètres d'intestin ils auraient en plus, mais passer derrière lui aux chiottes est humainement impossible. Et la persistance de l'odeur se mesure en heures. Il faudrait étudier ce genre de viscères dans une optique de fabrication d'armes biologiques low cost. J'aurais aimé demander au cardinal d'où lui vient son sentiment négatif pour Toulouse, ajoute Jacques. Bastion gauchiste, certes, mais ce n'est pas le cas du pays dont c'est la capitale. Donc je pense que l'arrière-pays, c'est l'Occitanie, quoi. Oui, c'est infesté de melons et d'espagnols rouges, mais la ville a tout de même ses charmes et n'est pas la dernière en qualité de vie, nous dit encore Jacques. Alors bah, j'ai interrogé, cher Jacques, le cardinal, il n'était pas avec nous aujourd'hui, mais j'ai pas la question, j'ai dit, il y a un fidèle a une question à te poser. Alors, il a répondu de manière très lapidaire, Espagne et radical socialisme. Voilà, donc il n'en démord pas, hein, voilà, c'est Espagne et voilà, radical socialisme. Bon, je peux pas vous en dire plus. Enfin, moi, je peux en parler à titre personnel éventuellement, mais je dirais à peu près la même. Et je ne voudrais pas non plus oublier la grosse colonie de Youtres qui existe à Toulouse. C'est pas possible, quoi. Il y en a trop. Il y en a vraiment trop. Donc moi, en fait, quand je pense à Toulouse, je pense même pas aux Arabes tout de suite. Je pense d'abord aux Juifs, en fait, moi. Hein. C'est ça. Mais c'est une très grande ville, Toulouse. Hein. On s'en rend pas compte, mais c'est une très grande ville, en fait. Elle est très peuplée, cette ville. Hein. C'est un peu c'est un angle mort, Toulouse, en France. Bah, pour lui faire honneur, faut aussi parler des fiottes et des punks à chiens. Enfin, c'est ce qui choque le plus, le primo arrivant, enfin, le blanc qui débarque à Toulouse. Putain, les punks à chiens, puis leur présence olfactive est aussi éminemment présente, je dirais. Parce que le centre-ville, après... Bon, Toulouse est jumelée avec Rennes, hein, faut quand même le savoir. Ah. C'est-à-dire, c'est un derby, hein. C'est un derby. mais c'est à peu près c'est le même, non, il y a un accent à Toulouse, mais ça change à peu près tout, quoi. Et beaucoup plus de juifs, quand même. Moi, je dirais que il n'y a pas que à Toulouse ou Rennes qu'on entend des histoires bizarroïdes autour des toilettes. Hein. Il y a d'autres régions. Moi, j'ai ouï dire certaines fois qu'il y en a qui laissent des bouteilles près des toilettes. Partout. Ouais, il laisse, c'est dans toute la France en fait. Ils laissent des bouteilles parce que bon, c'est un peu connu que certaines catégories de population ont des manières de. Donc de faire leurs besoins, mais qui ne sont pas tout à fait... On se torche à la main hein, avec les musulmans. En islam, on se torche avec la main. En Europe. On se torche à la main. Et voilà, il y a ce genre d'histoire bizarroïde avec des éclaboussures sur les murs. Bon, pour que ça arrive, c'est probablement que les gens s'accroupissent sur les bords pour éviter de, je sais pas, que leur peau touche les bords. Peut-être pour éviter le Covid ou ce genre de délire ou de prescription. Voilà, donc pour ce petit aparté. On vit avec des animaux. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes codes sur certains points, je dirais. Ah non, c'est une prescription coranique, comme vous y allez. Mais comment dire, pour en revenir avec Jacques, alors je ne sais pas si c'est un Éthiopien ou un Somalien, faut quand même les distinguer, parce que si tu traites un Éthiopien de Somalien, ça risque de mal se passer quand même. Hein. Mais les Somaliens, c'est ce qui se fait à peu près de pire, sur la terre, hein. Je dis bien, sur la terre. C'est-à-dire que même les Nigérians, les Algériens, vous voyez, bon, qui ont quand même des défauts. Les Algériens ont quelques défauts quand même. Mais les Algériens sont des gentlemen à côté des Somaliens. C'est effrayant, les Somaliens. C'est effrayant. C'est je sais même pas comment les décrire. Et ces gens sont très dangereux. Hein, sont vraiment, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Très dangereux. Ouais. Alors attention à ça. Hein. Parce qu'ils arrivent maintenant. Ils arrivent maintenant en France. Parce que faut sortir aussi du paradigme qu'on a connu très longtemps où en fait la France importait les populations de ses anciennes colonies officielles. Donc Afrique de l'Ouest, grosso modo, quoi. C'est fini ça. Enfin, c'est fini. On les a. Ça continue de venir. Mais maintenant, c'est du monde entier. Et à tout le moins de l'Afrique entière et du monde oriental en entier. c'est plus du tout cantonné au pays qui avait été au contact de la France. Ça c'est révolu, ça. Donc maintenant, on a tout. On a absolument tout. Et puis à l'époque, l'argument, c'était, vous comprenez, la France a colonisé, c'est un peu logique que les anciennes colonies viennent. Sauf que maintenant, l'argument ne tient plus du tout pour ceux qu'on n'a pas colonisés. Oui, et puis attention, parce qu'ils disent ça, oui, non, mais voilà, les Français, machin. Attention, ces gens-là, ils s'aiment pas entre eux, hein. Faut pas écouter leurs romans qui disent... parce que quand vous écoutez là, les allogénistes, vous écoutez les allogénistes du mouvement colonial, Bouteja et autres. En fait, il y a deux catégories. T'as les basanés qui viennent d'arriver, puis t'as les Français de souche. Même s'il y a nuance un peu ces derniers temps. Puis il a dit, voilà, en gros, il y a les représentants de la puissance coloniale. Mais attention, ça c'est un roman très gentil, mais dans la réalité, ces gens s'affrontent constamment. Qu'est-ce que vous lisez au quotidien dans la presse? C'est les règlements de compte entre bandes. À Marseille, à Nantes, un peu partout. Ils s'entretuent. À l'arme de guerre, etc. Donc, le mythe, si vous voulez, du front uni, des opprimés de couleur contre les blancs, ça, c'est du pipeau, hein. C'est du pipeau. Les mecs, entre eux, s'entretuent. Ils s'entretuent. Donc, il n'y a pas d'unité entre ces gens. Il n'y a pas d'unité. Voilà. Ponctuellement, quand il s'agit de racketter le blanc, ils se mettent d'accord, ok. Mais ça ne fait pas une unité, attention. Hein. Ça, c'est du roman, hein. C'est du roman gauchiste, ça. Hein. C'est pas vrai, hein, en pratique. Hein. Ces mecs-là ne s'aiment pas. Même entre Algériens, ils ne s'aiment pas. Alors, imaginez mettre toutes ces ethnies ensemble dans des zones hyper concentrées, là. Non, regardez Mayotte, c'est intéressant, Mayotte, le cas récent. Là. Vous avez vu, les mecs sont du même groupe racial. Ils ont la même religion. Ils parlent la même langue. Ils vivent au même endroit. Vous voyez? Ils arrivent encore à vouloir se découper à la machette. Donc, imaginez ça en Europe. Et c'est ce qu'on importe par quantité. On va y revenir. Donc, c'est faux, hein, l'espèce d'unité des peuples opprimés présents en France. D'abord, c'est eux qui viennent, qui s'invitent, hein, voilà, avec quand même l'aimable aide du gouvernement français. Mais enfin, voilà. Je précise quand même au passage, parce que pour sortir un petit peu aussi des schémas très approximatifs de la vulgate de gauche, je veux dire, voilà. Non, ils ne sont pas du tout unis, c'est pas vrai. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas confondre les Somaliens avec les Éthiopiens. Ça pourrait mal se passer. Ils pourraient très mal réagir, je veux dire. De toute façon, personne ne communique objectivement avec ces populations-là, avec leur tête de pirate précisément. Ils sont très effrayants. J'en ai jamais vu un seul sourire. Ça n'existe pas. Si, quand ils sont morts. Ou alors quand ils t'ont égorgé, peut-être qu'ils sourient. Mais bref. Mais quand ils sont morts et qu'ils se dessèchent, si, tu vois leurs dents finalement, tu vois. Ça y est. Alors je précise que les Somaliens ne sont pas des nègres, hein. c'est autre chose, racialement c'est autre chose, hein. Mais c'est pire. Ils savent pas faire trois phrases d'affilée sans faute, donc c'est difficile de communiquer avec eux souvent. Oui, mais en fait, comme l'a dit un peu Jean, on n'a pas envie de communiquer avec eux aussi, tu vois. J'en ai jamais vu un parler, parce que les gauchistes aiment bien faire venir, par exemple, un gros gorille, comme tu as dit, d'Afrique de l'Ouest, à qui ils ont appris à parler français, donc il va faire des phrases, il va sourire, il va être débonnaire. Mais un Somalien ou même un Éthiopien, si on reste dans cette zone-là, j'en ai jamais vu un avoir une conversation. Et j'ai déjà vu des femmes glousser entre elles de ces ethnies, mais on n'a pas l'impression que c'est un langage formé avec une grammaire, une syntaxe, et ainsi de suite. Donc, je suis négationniste de leur capacité à parler. Voilà, bon, bah écoute, au moins c'est dit. Alors, merci à Jacques pour son soutien, bien entendu. Don numéro 2, c'est Blickpal, un donateur régulier. Bonjour, excusez-moi si vous recevez ce message en double ou triple. J'ai essayé de l'envoyer hier, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un bug de DNMX au moment de l'envoi, et je ne le vois pas non plus dans ma boîte d'envoi. Oui, il y a eu un problème avec Dynamix, mais c'est restauré. En rattrapant les anciens épisodes de DP, donc l'émission, je suis tombé sur le message d'un auditeur qui proposait de former une sorte de club de donateurs réguliers qui donnerait un monero par mois ADP afin de vous donner une meilleure visibilité sur vos rentrées d'argent. C'est ce que j'avais décidé informellement depuis décembre dernier, mais autant officialiser ça afin que vous puissiez compter dessus. Vous pouvez donc attendre sans faute un Monero de ma part chaque mois, au moins jusqu'à la fin de l'année et plus tard, je l'espère. J'ai envoyé le don du mois de mai hier avec le message, donc qui n'est pas passé. À part ça, est-ce qu'il vous arrive de changer votre adresse Monero ou est-elle stable? Je l'ai sauvegardée en local dans mes wallets, mais je ne sais pas si je devrais régulièrement la mettre à jour. Comme toujours, merci pour votre travail. Alors, merci pour ton don, premièrement, Blickpal. Merci de rebondir sur la proposition qu'avait fait un autre donateur, qu'on accueille avec plaisir, bien entendu. Alors, non, elle est fixe. Je fais référence à l'adresse. Elle est fixe. Donc, vous pouvez la sauvegarder, bien entendu. Mais si on en change, elle sera de toute façon annoncée sur le site, bien entendu. Mais on ne change pas régulièrement d'adresse Monero, sauf nécessité inattendue. Mais enfin, en tout cas, ces dernières années, on n'en a pas changé. On a toujours gardé la même adresse. Mais je ne peux pas vous dire avec certitude qu'on ne va pas en changer dans le futur, bien entendu. Ça c'est pas... J'ai pas cette visibilité, ouais. Mais oui, alors, écoutez, si effectivement des donateurs veulent s'engager sur un montant fixe chaque mois pour effectivement qu'il y ait une visibilité quant au don, c'est sûr, ce serait un plus, indubitablement. Mais après, c'est au prorata de ce que nos donateurs veulent bien faire. Bien sûr, ça va sans dire. Merci à toi, Blickpal, quoi qu'il en soit. On l'apprécie, bien évidemment. Si tu permets, oui. À propos de ces histoires d'adresse, pour ceux qui sont parano avec les dons en Monero, je conseille de supprimer votre wallet une fois que vous l'avez vidé, si vous faites des dons ou si vous avez une activité sur Monero. Quand vous avez vidé votre wallet, vous pouvez supprimer et recréer un nouveau, et après vous remettez la nouvelle adresse dans l'échange. Vous avez acheté les Monero pour la renvoyer sur la nouvelle adresse. Comme ça, vous avez régulièrement une nouvelle adresse et vous supprimez toutes les métadonnées qui sont sur votre ordinateur avec l'ancienne adresse. Comme ça, vous êtes vraiment totalement intraçable. Ce serait très, très difficile de remonter à vous si vous voulez rester totalement anonyme. Ça, c'est le degré ultime, quoi, de la sécurité. Mais oui, pourquoi pas. Don numéro 3, salut à l'équipe, je vous adresse mon nom mensuel cordialement. Alors c'est Melos Autocrator, bien évidemment, donateur historique de l'émission. Salut Melas, merci à toi. Alors j'ai un autre don, c'est le maître nageur de la piscine d'Auschwitz, qui nous écrit ceci, je vous envoie ma maigre contribution de 3 Monero. C'est pas maigre quand même. Et félicite l'équipe entière pour la qualité de ses interventions. Lors des semaines sans émission, j'éprouve ce que doit ressentir un héroïnomène en manque. Je vous soumets la question suivante. Certains d'entre nous ont des enfants blancs s'entend. J'ai veillé à ce que mes enfants ne soient pas vaccinés. Je parle du Covid, bien sûr. Lorsqu'ils seront en âge de se marier et songeront à leur tour à avoir des enfants, alors se posera le problème du statut vaccinal de leur conjoint. Il leur faudra trouver un conjoint non vacciné, sinon l'effort de préserver leur statut immunitaire aura été vain. Le continent le plus préservé du vaccin est, selon le professeur Perron, l'Afrique, qui compte 1% de vaccinés, mais je ne pense pas que cela soit la meilleure destination pour convoler en juste noces. Pour revenir à l'Europe, où les vaccinés représentent le 80% de la population, les non-vaccinés devront nécessairement se reproduire entre eux afin de préserver leur système immunitaire. Je pense que dans une dizaine d'années, les personnes qui paradoxalement étaient si fières d'exhiber leur passe vaccinal chercheront au contraire à dissimuler leur statut vaccinal, à savoir qu'elles sont vaccinées. Se posera alors la question suivante, comment savoir si une personne est vaccinée ou non contre le Covid? Y aura-t-il alors un examen médical permettant de déterminer le statut vaccinal d'une personne? Je pense que cette question devra toucher chacun d'entre nous qui a des enfants, blanches précises, et qui cherche à préserver la pureté de son ADN. Y aura-t-il des scientifiques parmi nous qui pourraient répondre à cette question? Merci bien à vous. Et donc, c'est notre donateur qui écrit ça. Alors, je pense que... Alors, c'est tout ça, et en temps réel, on ne sait pas exactement les retombées à court, moyen et long terme du Covid. Donc c'est très difficile, c'est la boîte de Pandore, absolument la boîte de Pandore. À court terme, bon, bah déjà, il y a eu quand même des pertes, hein, c'est indubitable. Moyen et long terme, là, on est au beau milieu d'une expérimentation, donc on n'a pas les réponses. Et comment savoir que quelqu'un n'est pas vacciné ou pas? Je pense qu'il doit y avoir un moyen catégorique de fixer ça. Si on veut absolument ne pas avoir, je veux dire, non mais c'est une vraie question, je veux dire, pour le coup, si les thèses qui disent que l'ADN peut être altéré, moi j'ai vu des études qui paraissaient indiquer qu'effectivement, parce qu'au départ ça a été fortement contesté, on dit non, ça modifie pas du tout l'ADN, y a pas d'ADN, ça ne... non, ça c'est des trucs de mytho, de conspi, de taré. Moi, j'étais assez neutre, je n'avais pas d'a priori, je demande à être convaincu ou pas. Et j'ai vu, c'était il y a 6 mois, une étude, c'est scientifique, hein, c'était sérieux, hein, c'était sourcé. Ça, je ne vais pas vous dire que c'est catégorique, parce que comme je n'ai pas la source, je ne peux pas vous la donner. Donc c'est vraiment que juste mon sentiment. Donc voilà, donc vous pouvez faire vos recherches vous-même. Mais de ce que j'avais lu, ça contredisait complètement le fait qu'il n'y avait pas d'effet sur l'ADN. Il y aurait, a priori, un effet sur l'ADN. Ne me demandez pas le quoi, le comment, quoi. Je ne suis pas scientifique, donc voilà, partez du principe que ce que je dis n'est que mon opinion et que ça ne vaut pas plus. Donc si vous voulez vous renseigner, faites. Mais donc, la thèse selon laquelle il n'y a pas d'effet, voilà, faut nuancer, hein, faut nuancer. Donc la question se pose. Là tout de suite à brûle pour point, j'ai pas la réponse en toute honnêteté, donc là je sollicite nos auditeurs, si vous avez un moyen, si vous estimez d'abord que la demande est légitime et juste, premièrement, est-ce que vous connaîtriez un moyen, on va dire de est-ce que votre ADN est préservé ou non, est-ce que vous êtes un non vacciné ou pas, voilà, parce que ça peut être un critère, on peut demander ça comme critère, hein, je veux dire moi, je le comprends totalement, hein, je veux dire, je le comprends totalement. Voilà. Parce que, comme il a bien dit, je veux dire, si on est dans la démarche de passer à vacciner, moi, je ne me suis pas fait vacciner, il y avait tout ce discours ambiant, etc. Voilà, bon, bah, moi, j'ai fait le choix de ne pas le faire. Bah, évidemment, ce n'est pas pour ensuite, ne pas tenir compte des conséquences. Donc, je comprends absolument ça. Maintenant, de toute façon, ça prendrait la forme de recommandations à ses enfants, insistant probablement. Mais après, reste à savoir ce que les enfants voudraient effectivement faire. Je pense que d'ici là, on en saura plus sur les retombées. Donc déjà, on aura beaucoup plus de visibilité. Pas dans une certaine mesure, parce qu'il y a quand même une énorme chape de plomb. Hein. Attention, il dissimule beaucoup de choses. Vous voyez, là, je suivais un peu l'histoire de von der Leyen avec Pfizer. J'ai écouté des interventions de députés européens, ces députés européens. D'ailleurs, j'avais été agréablement surpris. C'était des députés européens écologistes, donc de gauche ou d'extrême gauche, hein, mais qui, étaient sincères et qui voulaient connaître les liens de von der Leyen avec Bourla et avec Pfizer, et qui sont à la manœuvre avec d'autres eurodéputés pour essayer d'obtenir les fameux SMS. Essayer d'en savoir davantage, quels sont les liens, voilà, et comment dirais-je, on s'aperçoit que les implications sanitaires sont beaucoup plus graves que ce qui est encore admis aujourd'hui. Hein, c'est... Les gens ont peu de mémoire, donc comme on ne parle plus du Covid, etc., en tout cas pour le moment, qu'on n'a pas sorti une nouvelle pandémie ou machin, les gens perdent un peu de ça de vue, ils s'intéressent à d'autres choses, mais oui, enfin, sauf que les gens ont quand même été injectés en masse et que c'est dans l'organisme. Donc, autant la mémoire peut passer à autre chose, autant l'organisme, lui, un peu moins. Donc, je sais pas. Donc, pour le moment, là, je pose la question. Je suis un peu comme notre donateur. Je pose un peu la question, effectivement. Est-ce que vous connaîtriez un moyen pour dire, voilà, est-ce que vous êtes vacciné ou pas, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jean, et bien sûr Hydromel, Moi, j'avais eu écho il y a à peu près 2 ans, comme quoi en Suisse, il y avait une possibilité de faire un test pour savoir si oui ou non la personne avait reçu le vaccin, sauf que là, je ne le retrouve plus. Mais en faisant des recherches, là, j'ai trouvé un article qui titre « Sang pur, sang, S-A-N-G, pur, quel est ce mouvement complotiste porté par les anti-vaccins Covid ?» Et en fait, quand on le lit, on se rend compte qu'en fait, il y a des gens qui veulent savoir le statut du sang, en fait, par rapport au vaccin. Et peut-être en recherchant avec ces mots-clés, il y a peut-être une possibilité d'atterrir sur ce que disent ces prétendus complotistes à ce sujet. Bah moi, je veux dire un truc hein, par rapport à ça, vite fait. C'est-à-dire que les gens qui pourraient trouver ça délirant, moi, je pose la question, est-ce que vous n'aimeriez pas savoir à l'avance que une personne avec laquelle vous voulez avoir une relation amoureuse, si votre une personne avec laquelle vous voulez avoir une relation amoureuse est séropositive ou pas? Je pense que vous aimeriez le savoir à l'avance. Or, souvent et fréquemment, il y a eu des comparaisons entre les mécanismes du VIH et ceux, comment dirais-je, des vaccinés. Hein? Donc, je pense que c'est pas du tout délirant de connaître le statut vaccinal des gens. Et après tout, puisque le système a mis en place un mécanisme de surveillance généralisée des populations pour savoir s'ils sont vaccinés ou pas, est-ce que les non-vaccinés ne sont pas en droit eux-mêmes d'exiger à l'inverse de savoir si les autres le sont ou pas? Voyez? Moi, quand on me fait une crasse, j'ai tendance à vouloir leur faire à l'inverse aussi, voyez? C'est pas, et en plus, c'est même pas mal intentionné, parce que eux, c'est mal intentionné, mais là, c'est pour se défendre. Donc, c'est même pas une crasse. C'est simplement un réflexe d'autodéfense, un réflexe de survie. Voilà ce que je dirais a priori, mais j'ai pas de solution clé en main. J'ai pas pensé à la situation, donc j'ai rien à dire là-dessus pour le moment. Mais peut-être qu'on aura des auditeurs qui auront des choses à dire là-dessus, à suggérer là-dessus. Je Jean? rajouterais, Ouais, vas-y. pardon, je rajouterais qu'effectivement, c'est légitime de se poser la question parce que, comme c'est un essai, on n'a aucune preuve que lorsqu'on a pris un vaccin, on ne le transmet pas. Parce que, imaginons, on est injecté d'une soupe de poison dont on ne connaît pas les substances. On sait qu'il y a plein de saloperies, du graphène, du fœtus de bébé, de l'ARN messager, des métaux lourds. Mais va-t-on savoir s'ils ne nous ont pas mis une saloperie dedans? Et en fait, cette saloperie n'est-elle pas contagieuse avec les fluides? Donc, c'est légitime de se poser la question. Voilà. Le professeur Montagnier, prix Nobel de médecine, qui a été diabolisé durant les 2 dernières années de sa vie pour avoir mis en garde contre ce danger, avait évoqué le risque de prions. Et la caractéristique des prions, c'est de se transmettre précisément de génération en génération, parfois avec des effets qui se manifestent plusieurs générations après. Donc attention à ça. Ça n'est pas une question illuminée. J'insiste, elle est légitime, cette question. Elle est légitime. Dirais. C'est pas quelque chose qui sort de... Voilà, ça ne préjuge pas de la suite, d'accord? Ça préjuge pas de la suite, mais la question est légitime. Je dirais, il faut espérer que ça s'estompe, mais dans le doute, s'abstenir. Et puis, dans le contexte de rencontre, de ce qui parlait là, de trouver un conjoint, en fait, ben, faudrait que la personne soit sensibilisée à ça. Donc, déjà, je dirais même, c'est pas simplement le vaccin Covid, c'est même les 11 vaccins qui sont à la naissance. Parce qu'aujourd'hui, bien souvent, les femmes, elles se battent pour que leur nourrisson, elles se fasse injecter 11 vaccins, parce qu'il y a des Très vrai. pressions. Et il ne pourra pas aller en école maternelle et ce genre de trucs. Voilà. Jean, qu'est-ce que t'en penses? Bon, moi, je suis un peu sur une toute autre idée vis-à-vis de ces problèmes de vaccins et ainsi de suite. Je pense qu'en fait, on propage cette théorie des germes infectieux qui date de Pasteur. Moi, je suis beaucoup plus un soutien de la théorie du terrain, c'est-à-dire qu'à mon avis, le terrain, que ce soit psychologique ou biologique, est beaucoup plus important que l'aspect infectieux. Donc, cette histoire de transmission en fait d'une personne à l'autre, je pense que quand on a un très bon terrain, c'est-à-dire qu'on s'alimente bien, on a un bon rythme de vie, on dort suffisamment, on fait du sport, on s'entretient comme il faut. La probabilité de choper des merdes de d'autres qui s'empoisonnent autour de soi est finalement pas si élevée que ça, et qu'en fin de compte on passe à travers en fait tous ces problèmes. Donc ceux qui vont avoir des problèmes dans les années à venir en ayant complètement détruit leur terrain avec des vaccins comme le vaccin Pfizer ou Moderna, Ça se verra, ça se verra. Ils auront des problèmes de santé. Je crois pas à ces trucs. Ça se transmet silencieusement sur des générations et puis ça finit par ressortir. Ou alors ça va forcément se combiner avec d'autres facteurs contre lesquels, de toute façon, les gens auraient pu prémunir. Je sais pas, par exemple, peut-être que des combinaisons cigarettes, alcool, vaccin, RNM. Eh ben, ça rendrait malade. C'est un exemple, mais donc en fait, je pense pas qu'il faille trop avoir peur de ce sujet pour répondre à l'auditeur. C'est un, s'il a des enfants en bas âge, c'est quand même quelque chose qui est assez loin. On aura beaucoup plus de recul pour savoir si par exemple il compte se marier d'ici 20 ans. On aura beaucoup plus de recul pour savoir quel est le véritable effet. Et si il s'avère qu'il faut vraiment détecter qui est vacciné et qui ne l'est pas, d'ici une vingtaine d'années, on aura trouvé des moyens. Et d'ailleurs, je rejoins Hydromel. Je crois que ça s'appelle. Ça, c'est une association qui a été créée en Suisse, effectivement, pour faire des transfusions de sang de personnes non vaccinées, donc pour détecter le sang qui vient de personnes vaccinées, qui s'appelle Safe Blood Donation. Mais alors, je ne sais pas quel est le statut, parce que ça a tout de suite fait criser les autorités suisses. Donc, visiblement, ils ont essayé de l'interdire. Mais c'est certain que si ça a des effets assez importants sur le corps. Après, comme on avait déjà parlé dans l'émission, il y a aussi beaucoup de gens qui ont été vaccinés. Et c'était du placebo. C'était Ah oui, ça c'est. il y avait rien dedans. Il Oui. n'y avait pas d'agent dans Alors les ça fioles. c'est. Je t'interromps, désolé, mais j'ai vu le professeur Perron s'exprimer. Je sais plus sur quel média, mais c'est récent, hein, c'était à quelques semaines. Hein, et là, il a révélé un truc que j'avais complètement loupé, parce que ça se passait en Slovénie. La Slovénie, c'est un tout petit pays, c'est entre la Croatie et l'Italie, donc c'est vrai que c'est pas un pays qui fait régulièrement l'actualité, quoi. Mais là-bas, c'est prouvé, c'est officiel, ça a été rapporté par la presse, ça a été reconnu. Les dirigeants du pays, apparemment politiciens, journalistes et autres, ont reçu des placebos, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont mis en scène en train de se faire vacciner, mais il n'y avait rien dans les vaccins. Et ça a été prouvé par la suite. Et le professeur Perron en a parlé. Il a dit, bah voilà. Alors il a dit, bon, moi je ne vais pas dire qu'en France c'est la même chose, parce que je ne peux pas le prouver, je n'ai pas les preuves, mais en Slovénie c'est démontré. Ça a été. Il y a un professeur, il y a un grand professeur de médecine italien qui avait dit pareil pour l'Italie. Mais bien sûr. Et bon, il y a aussi Jean Lassalle qui a dit, voilà, je le sais de source sûre, Macron s'est pas vacciné. Et il y avait eu d'ailleurs une polémique parce que le statut officiel de sa vaccination, la date correspondait pas à ce qui avait été annoncé officiellement. Donc voilà, enfin, y a pas l'ombre d'un doute que tous ces faux culs qui ont défilé devant les écrans pour se faire vacciner se sont pas du tout fait vacciner. On leur a mis une solution saline dans le sang, puis basta. Il n'y a rien, ça c'est évident. Et voilà, donc les gogoïs se sont fait avoir. Et maintenant, ben, joyeux Noël. Moi, j'ai vu le cas tragique d'une femme, j'ai oublié son nom et je m'en excuse parce que c'est. Bah, elle incarne parfaitement justement tous ces gens qui naïvement ont écouté les médias, comme toujours, qui n'ont pas voulu. C'est un par phénomène d'entraînement social. Vous connaissez le phénomène d'entraînement social? Si vous ne savez pas ce que c'est vous regardez une foule qui se met à paniquer, qui se met à courir dans une seule direction. Ils ne savent pas pourquoi ils courent, mais ils courent parce qu'ils ont vu d'autres personnes courir, d'accord? C'est ça le truc. Puis il y a les gens qui sont indépendants d'esprit. Les gens qui sont indépendants d'esprit, on estime qu'ils sont entre 5 et 10% dans une population donnée. D'accord? C'est un fait statistique invariable. Donc en fait, le gros du troupeau va constamment se planter. Cette femme-là, malheureusement, appartenait au troupeau. Et c'est tragique parce que ce qu'on apprend dans son cas personnel, c'est qu'elle a fait le vaccin, il y a eu des complications considérables, et maintenant c'est une femme qui a besoin d'être assistée dans son quotidien. C'est-à-dire que c'est une femme qui est lourdement handicapée au quotidien. Et elle a une gamine en bas âge, elle a une gamine de 3-4 ans, jusqu'à 3, 4 ou 5 ans. Et alors, elle a aux problèmes personnels, j'allais dire, médicaux, et à sa dégradation, parce que c'est une femme, c'est ce que disait son avocat d'ailleurs, que sa condition s'aggrave. Au fil des mois et même des années maintenant. Je pense que sa vaccination a lieu il y a un an et demi, 2 ans. C'est la deuxième vaccination chez cette femme-là qui a été, qui l'a affectée gravement. Ça ajoute le dilemme moral de la perspective d'un décès prématuré avec une enfant en bas âge qui sera livrée à ses propres moyens. Donc c'est terrible comme situation, et on en parle très peu. Vous entendez parler comme ça un peu vaguement, d'effets secondaires, d'associations de gens qui ont des effets secondaires, ça fait comme ça quelques articles dans la presse, c'est très impersonnel, les gens s'en soucient assez peu, mais c'est la loterie. Et ça tombe sur des gens, vous voyez, qui... des gens parfaitement normaux, des gens absolument normaux, c'est une banalité terrible. Hein. Ça peut être votre tante, votre sœur, voilà. Et ils ont tiré la mauvaise... voilà. Et vous ne savez pas ce qu'il y avait dans l'eau. Aucune idée, vous ne pouvez pas savoir, c'est l'opacité la plus totale. Quand vous demandez des comptes, Pfizer s'est complètement couvert, ils sont tous ensemble. Je parlais des SMS de von der Leyen, et je ne parle même pas du reste. Donc, les gens se sont fait avoir comme ça. Et donc, la casse est difficilement mesurable. On sait qu'il y a de la casse, mais c'est difficilement mesurable. Ils ont fait passer des tas de décès pour des ils disent que c'est des AVC, des problèmes cardiaques, mais pas liés au vaccin, alors que c'est lié au vaccin. Vous avez des explosions des cancers aussi. Moi, j'ai des réactivations de cancer. Réactivation ouais, de cancer. Des réactivations de cancer et apparition de cancer et ouais. Des trucs assez violents. Et alors, il faut savoir, désolé, je t'interromps un peu non. À ce sujet-là, mais il y a l'industrie pharmaceutique qui était aux abois les 5-10 dernières années. C'est-à-dire qu'il fallait dépenser de plus en plus d'argent pour obtenir des nouveaux médicaments ou des nouveaux traitements, et c'était de moins en moins rentable, et la cible des patients potentiels était de plus en plus restreinte parce qu'ils devaient de plus en plus se spécialiser sur des maladies qui étaient de plus en plus rares. Et donc, quand ils empoisonnent la population comme ça avec des grandes campagnes vaccinales pour le Covid, mais... Enfin, je reviens dessus. Moi, je suis très hostile au vaccin pour les enfants aussi. Je pense que c'est aussi de l'empoisonnement et de la destruction du patrimoine immunitaire de la population. Et ben, quand ils font ça, ils s'en mettent plein les fouilles parce qu'après, les gens passent leur temps chez le médecin, ils passent leur temps à prendre des médicaments, des nouveaux traitements. Faut faire diagnostiquer. C'est des trucs. Il y a des trucs bizarres qui apparaissent, on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, ils font le ping-pong à travers les services des hôpitaux et on se retrouve avec des gens en fait, qui deviennent, comme tu l'as dit, complètement assistés de la société et complètement au crochet de l'industrie pharmaceutique. Ou si ce n'est pas le contraire, l'industrie pharmaceutique arrive à mettre son crochet sur tous les systèmes sociaux des pays industrialisés qui ont développé des systèmes de couverture sociale pour la maladie et la santé. Et ça fait qu'ils s'en mettent plein les fouilles. Les frais médicaux ont explosé depuis le Covid et il y a une grosse partie de ces frais, si ce n'est l'écrasante majorité, qui va dans les poches de Big Pharma. Et au milieu, les médecins qui servent en fait de vendeurs de drogue à Big Pharma. Quand vous allez chez un médecin, si vous ne ressortez pas avec une prescription, c'est bizarre. Votre médecin, il est plus là pour vous refourguer de la drogue de Big Pharma que de vous poser des questions, comme je disais, sur le mode de vie, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi vous avez des problèmes de dos, ou ainsi de suite. Donc il faut aussi voir l'aspect très vénal de toute cette affaire. Oui, tout à fait. Ils étaient payés pour chaque injection, c'était un prix exorbitant. Je ne me souviens plus, c'était soit 150, soit 250. Peut-être que c'est que 150, mais en tout cas, c'est énorme par injection. Donc, il suffit de faire. Ils se faisaient plus de 2000 balles par jour. Hein. Mais tu es sûr que c'est par injection? Ça dépend des pays. Il me semble qu'en France, c'était la journée ou la demi-journée, mais c'était très très cher. Hein. C'était quelque chose comme 1005 ou 1006 la journée de vaccination. Par jour, donc ils n'avaient aucun intérêt à dire aux patients qu'il ne fallait pas se faire vacciner. Moi, j'ai d'ailleurs rien à voir, mais je lance ici un message à la police. Police, gendarmerie, douane. Messieurs, si sur toute ou partie du territoire français, des gens motivés par d'excellentes idées comme les nôtres viennent au pouvoir, vous serez payés aussi pour chaque tête crépue que vous expulserez du territoire. Une prime pour vous. Pensez-y, vous ferez fortune avec nous. Juste une petite annonce publicitaire au passage, mais enfin bon, ça s'y prêtait. Alors, voilà. Voilà, ça c'est des primes qui sont des bonnes primes. Voilà. Contrairement donc aux primes pour tuer les blancs avec ces injections de poison juif concoctées par Bourla. Non, mais c'est bien aussi de se projeter sur le futur, n'est-ce pas? Non, mais t'as raison, hein. Ah oui, c'est Tout vrai. à fait à propos. Oui. Moi, je dirais que cette opération de Covid fut une opération d'empoisonnement et de domestication, pour résumer. Ah bah bien sûr, tout à fait, tout à fait. Non, ils ont vérifié la domestication. Je pense que les gens étaient déjà domestiqués, ils ont vérifié à quel point ils étaient domestiqués et ils ont arrêté, enfin ils ont commencé à vraiment mettre le frein quand les Canadiens se sont les camionneurs canadiens se sont vraiment révoltés. Mais la domestication était déjà là, les gens ils sont tous complètement reconfigurés. Alors messieurs, je vous propose de commencer l'émission avec notre rubrique numéro 1, courrier des lecteurs. Premier courrier pour notre rubrique courrier des lecteurs, c'est une femme qui nous écrit et qui nous dit ceci. « Bonjour Gandalf, bonjour à l'équipe de DP. Je vous ai connu grâce à mon compagnon et je ne rate plus aucune de vos émissions. Avec le temps et quelques années de DP plus tard, je me rends compte que j'étais comme la plupart des femmes, à côté du réel. » Je n'étais pas de gauche, mais je voulais tout sauf l'extrême droite. Yeah. Bref, passons à l'essentiel. Je vais vous raconter une petite normalité dans notre cher pays africanisé. Je travaille dans un organisme de logement social dans une grande ville du Franquistan. Donc, autant vous dire que je peux vous en raconter jusqu'à vous faire vomir. J'hésitais entre deux histoires. La première est celle de ceux qui payent leur loyer 2 euros. Vous avez bien entendu, 2 bordels d'euros. Et attention, on est dans l'obligation de leur donner, entre guillemets, des appartements en parfait état. Et je vous le donne dans le mille, ceux qui sont choisis sont des basanés, du désert ou des babouins. Constructeur de cases en bout de caca. Et ce n'est jamais assez bien. Il faut toujours leur changer une ou deux choses. Ce qui veut dire faire appel à une entreprise. Et qui paye au final? Pas besoin de faire maths sup, vous l'aurez compris. Quand une chaîne de télévision veut faire un reportage télévisé, on nous demande de présenter plus de blancs. Une petite vieille, une mère française isolée avec des enfants à charge, puis une perle du désert, maghrébique. Faut que ça ait l'air vrai. Faut bien en mettre au moins une, mais d'apparence francisée, hein, évidemment. Passons à la deuxième histoire. Dans un immeuble géré par nos soins et financé par nos impôts, bien français, cela, des squatteurs du culte du pédochamelier occupent illégalement un appartement. Nous y sommes allés plusieurs fois pour leur dire de partir, mais ils réagissent avec violence. Et ma société refuse toute violence et s'écrase systématiquement en nous demandant de faire de même. Puis, une année plus tard, toujours en occupant illégalement mais tranquillement la demeure, les gens se sont plaints, donc les occupants, hein, que les ordures sont déposées dans l'entrée de l'immeuble. Dégueulasse, à l'image des habitants néocolonialistes, imaginez des ordures non jetées dehors, mais dans l'entrée de l'immeuble. Mais quelle race peut bien faire ce genre de choses? On se le demande. L'histoire ne s'arrête pas là, non, accrochez-vous. Nous recevons une plainte pour les ordures nous incriminant. Et que voyons-nous? Les noms de chacune et chacun avec leur signature à côté. Puis, sur une case, à la place du nom, nous voyons écrit, entre guillemets, les réfugiés et une signature à côté. Les habitants ont même fait signer la pétition aux squatteurs. Et la directrice qui nous envoie un email pour nous dire qu'il faut les aider. Je cite, donc, la directrice. Les pauvres, il faut les aider, vous comprenez, et pia pia pia pia pia pia. Avec des Françaises et des Français comme ça, pas besoin d'ennemis extérieurs, nous dit notre auditrice. Passons maintenant à la cerise sur le gâteau. La chose qui m'a poussé à vous écrire. nous avons fini par réussir à déloger les autoproclamés réfugiés, avec l'aide de la police. Mais, les protagonistes, qui sont, ne l'oublions pas, une richesse pour notre pays, trouvent logement chez un voisin, du même culte, qui accepte de les héberger. Donc en fait, ils sont virés de l'appartement, qu'à cela ne tienne, un des voisins se propose, par solidarité islamique. Et comme tout mahométan, il ne cherche pas à trouver une solution normale et respectueuse en s'élevant par leur propre volonté. Non. Ou alors il faut redéfinir leur volonté, qui se résume à voler, détruire et j'en passe. Alors ils attendent que des gens quittent leur logement, et ils essayent de forcer leur entrée pour squatter de nouveau un autre appartement et bénéficier de 2 ans de loyer gratuit supplémentaire avant expulsion. Et là, les mêmes décérébrés qui nous ont envoyé la pétition en ayant fait signer fièrement la famille Babouche nous appellent et nous envoient des emails en nous disant qu'ils ont peur pour leur appartement. Désolé pour la longueur de mon message, j'espère qu'il sera toutefois intelligible. Merci démocratie participative et que l'âme de tonton veille sur nous. C'est signé Lola Brown. Alors j'adore les expériences de vie, au plus près du terrain, les Français qui les Blancs, qui entourés de babouins, effectivement, de macaques, de toutes les couleurs, variétés, s'exprimant par tous les sabirs les plus incompréhensibles, fassent partager leurs souffrances, leur expérience, leur vécu aussi, parce que ça ne passera pas sur BFM TV, faut être clair, ça passera pas par là, ni dans la presse régionale, pas même dans la presse de droite française, on fait une croix là-dessus, ni sur TV Liberté, pas même sur CNews. Non, personne va vraiment oser dire les choses telles qu'elles sont. Donc n'hésitez pas, quand vous avez des choses vécues comme ça, surtout professionnellement, parce que c'est bien, les gens comprennent, ou même socialement, l'expérience personnelle en tant que colocataire, propriétaire... vous connaissez le truc. Alors, sur l'expérience, gérer les logements sociaux dans une grande ville française, je pense que c'est le chemin le plus court pour le suicide, à peu près. Qu'est-ce qu'il y a de pire, flic peut-être, et pompier, quoi. Hein, à peu près. Médecin aux urgences aussi, possiblement, mais après, je vois plus. Ça m'échappe. Je sais pas. Donc déjà, je salue bien bas Lola, parce que là, il faut quand même... Faut du courage. Moi, j'avais des échos avec des gens qui vivaient en HLM, donc qui bénéficiaient de logements sociaux, mais qui étaient des whites, des blancos, comme disait Valls, mais qui étaient des gens normaux, enfin qui avaient pas des gros revenus, mais qui étaient des gens normaux, enfin des Européens, quoi. Hein. En l'occurrence, c'était carrément des Français, hein. Ils ne venaient même pas d'Europe, hein, c'est des Français. Mais ils étaient cernés par le tiers-monde, quoi. Alors, ils nous racontaient. Moi, notamment, une femme m'avait raconté ça, quoi. C'est une femme, je pense qu'elle avait ses enfants, elle était séparée. Et elle me racontait, alors, les dealers, vous connaissez ça, mais alors, donc, comment ils s'établissent, enfin, les fameux points de deal, tout ça, on en parle beaucoup dans les médias, mais comment c'était vécu de l'intérieur par des habitants, les derniers habitants, parce que c'est les derniers, hein. Quand même disait cette femme-là, nous on est les derniers Européens, il n'y en a pratiquement plus, hein. Il n'y a pratiquement plus de blancs ici. Il y a des clans, parce que dans une barre vous avez des négresses, animistes ou chrétiennes vaguement, ensuite vous avez les moukers du bled, alors ça c'est islamique, alors ça peut pas se saquer, vous avez les dealers... etc., etc. Alors, elle nous expliquait les intimidations, comment on craint les bagnoles, bref. Et c'était l'enfer. Alors, elle nous disait, nous, on essaye, quand on a des problèmes, enfin, quand ça dégénère trop, on essaye de faire appel à l'organisme public qui gère le parc immobilier public. Hein. Et alors, c'est la grande démission, quoi. Parce que vous avez au-dessus, vous avez le maire, c'est des maires de gauche. Ils ont rien vu, ils sont pas au courant. Alors, quand ça crame trop, qu'il y a finalement un journaliste de gauche qui veut bien faire une photo de 4-5 bagnoles cramées, après avoir une fusillade, parce que généralement il en faut vraiment beaucoup pour que tout ce beau monde veuille bien. Bon, vous avez un adjoint qui arrive, oui, bien sûr, oui, c'est inacceptable, nous allons, voilà. Les flics daigne finalement faire une ronde. Alors ça dure 2 semaines, c'est juste histoire de donner le change. Mais ils veulent pas en faire davantage, parce que ça sert à rien. Parce que une fois arrêtés, ils ressortent. Parce que les juges de gauche font aussi ça. Et puis de toute façon, les tôles débordent, donc il y a même pas de place. Donc en fait, les derniers blancs, en fait, ils voient bien le cinéma. C'est-à-dire qu'ils voient bien les élus qui sont des incompétents quand ils sont carrément pas des traîtres. Ils vivent au contact de la faune, ils voient le bal des faux culs avec tout le monde qui fait semblant d'eux, le grand simulacre, et voilà. Et en fait, la personne qui me parlait pas des organismes sociaux, mais du point de vue de cette femme-là, l'organisme social en charge du truc, en fait, c'était l'évitement constant. C'est l'évitement constant, en fait. Hein. Donc, on envoie des plaintes et les gens de l'organisme en question ne font seulement pas comprendre, etc. Ah, ouais, vous comprenez, quoi. Et là, c'est intéressant parce que dans le courrier, on a le point de vue d'une femme, alors bon, qui partage évidemment le même constat, mais qui est à l'intérieur de l'organisme et qui, elle, voit l'inverse. C'est-à-dire que, en fait, la plupart du temps, elle gère des métèques et pas des blancs. Donc, c'est marrant parce que je suis sûr que ces deux femmes, qui ne sont pas du tout dans la même ville d'ailleurs, aurait beaucoup de choses à se dire. L'une en tant que locataire et l'autre en tant que membre de l'organisme, en disant mais oui, non, mais c'est atroce, on gère ces populations, c'est catastrophique, etc. Et je suis sûr qu'elles auraient beaucoup de choses à se dire. Et c'est, voilà, donc j'ai eu les échos des deux et c'est tout à fait remarquable, quoi. Donc là, ce qu'elle nous explique, en fait, c'est que dans la resquie, il y a de la solidarité, la législation, il n'y a rien qui va parce que, enfin, il n'y a rien qui va, mais tout est voulu parce que, en fait, c'est l'impunité qui est organisée, hein, voilà, on les laisse de côté. Et même, quand bien même il n'y a pas d'impunité, quand bien même on arrive à les dégager, bon, bah, le même cinéma recommence un tout petit peu plus loin, il suffit de péter une porte. Et là, vous vous rendez compte que c'est pas possible, quoi, hein, c'est pas possible. Hein. Donc, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, participants, de ça. Votre avis, quoi, tout simplement. Je trouve qu'au moins cette histoire, elle illustre bien en fait les avantages qu'ont les réfugiés et les squatteurs sur en fait les populations blanches qui sont, même si l'industrie a beaucoup baissé, c'est encore les forces productrices qui financent donc toutes ces aides. Donc on voit tout cet avantage mis en pratique. Et au moins, c'est moindre mal, c'est que l'institution avec laquelle elle communique, c'est qu'elle a peur pour ses appartements. Je dirais, c'est un retour de boomerang, et quelque part, un peu, c'est tant mieux, parce que faut pas s'étonner d'avoir à gérer ce genre de problème si on ouvre les portes aux 80. C'est-à-dire que là, ils se retrouvent avec un appartement pendant 2 ans, durant lesquels ils n'auront pas de revenus, finalement. Et donc, au moins, c'est un début de prise de conscience pour ceux qui se plaignent de tout ça. C'est intéressant dans le témoignage, parce qu'elle dit bien, la directrice leur dit non, mais pas de vague. On parle souvent il y a pas de vague dans l'éducation nationale, je ne sais pas quoi. Mais c'est pareil partout. C'est en fait, c'est des populations absolument intolérables, ultra violentes, qui respectent aucune règle, aucune loi. Et en fait, quand t'es juste un administratif ou que tu gères juste un organisme comme ça, t'as pas de pouvoir de police, t'as pas de pouvoir de répression, tu peux pas les tenir en respect, quoi. Je veux dire, et puis c'est la croix à la bannière pour obtenir l'application d'une simple décision de justice quand on a une, et c'est déjà miraculeux. Donc en fait, c'est tellement chiant. Et puis c'est pas ton bien, parce que c'est un organisme public, donc c'est fini. Donc on dit, laisse pisser, quoi. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'en fait, la démission, la culture de la démission se généraliser. Pour moi, c'est un des corollaires du socialisme, hein. De l'assistanat étatique. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde met de l'argent dans la caisse commune via les impôts, mais en fait, c'est l'argent de tout le monde, mais c'est l'argent de personne. Et les bureaucrates peuvent se permettre des manfoutistes, quoi, face à ça. Alors que si tout était privé, ça serait complètement différent. Ça serait complètement différent. Là, les gens, ils ont leur bille à eux dans le logement. Alors, il y a des gens qui sont dans le logement privé, ils se font attaquer par des squatteurs d'extrême gauche, ça on connaît aussi. Mais là, il faudra un appareil répressif extrêmement fort, ça c'est vrai. Donc ça pose la question de la prison. Mais c'est évident que tout ce qui est public, c'est vraiment fait pour plumer les contribuables blancs. Hein, je veux dire, voilà. Hein, bon. Mais ça c'est une énorme arnaque. Enfin, c'est une énorme arnaque. Et je voyais encore un autre truc, c'est connexe. Excusez-moi, je fais une petite digression, mais je voyais ça. C'était sur la CMU et l'histoire des retraités, je sais plus quoi. Et Oui, non, c'était à Mayotte. Bon, on va y venir. Hein, de toute façon, donc, ce sera connect. Je ferai l'allusion à ce moment-là, mais vous comprendrez ce que je voulais dire. Et en fait, ils savent très bien. C'est-à-dire que tous ces fonctionnaires savent très bien. Et personne ne veut rien faire parce qu'en fait, on peut emprunter la différence. C'est pour ça qu'il n'y a pas de sentiment d'urgence. On peut emprunter la différence. L'État français emprunte la différence. Donc, comme on peut emprunter la différence, on peut gagner du temps et on peut n'en avoir rien à foutre. Voilà à peu près qui résume la direction générale de la France. Voilà. À tous les niveaux de responsabilité. On peut gagner du temps, on peut apaiser l'envahisseur avec du fric. On n'a pas le pognon, mais on peut l'emprunter. Donc ça va, donc on le fait. Voilà. Et c'est les mêmes gens que vous allez retrouver ensuite dans tous les médias, qui vont faire des serments, parce que la France est saturée de bonimenteurs. On dit souvent la démagogie d'extrême droite. Excusez-moi, moi je vois qu'une une démagogie d'extrême gauche. Je suis désolé, hein, je veux dire, c'est quand on voit l'état réel du pays, quand on voit ce que se permettent encore de dire les partis de gauche en France et les médias de gauche en France, c'est-à-dire 90% des médias, c'est hallucinant le niveau de démagogie qu'on mange, quoi. Je veux dire, quand on voit la réalité de ce qui existe, je veux dire, c'est hallucinant, quoi. Voilà. Moi, je comprends pas, hein. Je veux dire, je comprends pas, hein. Enfin bon. Jean, éventuellement? Bon, j'ai pas grand chose à rajouter, simplement que, comme d'habitude, les logements sociaux, c'est uniquement des logements ratios. Et dès qu'il s'agit d'augmenter le pourcentage d'augments sociaux, ce qu'ils font en permanence, maintenant, dans des villes, voire des bourgades, voire des villages de plus en plus petits, eh ben, ça veut dire que, ben, on va se taper plus de nègres et de bougnoules, dans des coins de plus en plus reculés. Donc, cette histoire de logements sociaux, ça commençait d'un bon sentiment, en disant on va essayer de créer des logements avec des gens plus aisés qui habitent avec la classe ouvrière et ainsi de suite. Et ça finit comme une arme de destruction massive de l'État français qui permet d'organiser son repeuplement par des nègres. Donc oui, comme tu as dit, il faudrait privatiser le logement et puis ben que le marché fasse son affaire, parce que là, ce que ça crée en plus comme système, c'est des systèmes parallèles avec des logements publics, enfin possédés par des villes ou des collectivités qui sont ensuite passées de copain à copain par des petits réseaux d'influence, et ça fait que les braves gens qui veulent simplement se loger, ils ont de plus en plus de mal à trouver. C'est de plus en plus compliqué de faire un dossier pour se loger. Il faut avoir 40 cautions, 40 personnes qui peuvent se prêter caution. Il faut avoir 40 fois le loyer sur son compte en banque. Enfin, des trucs délirants. C'est très compliqué parce que bon, aussi, c'est très, très compliqué pour les propriétaires de virer quelqu'un, donc il faut que le dossier soit solide. Et bon, bah voilà, hein, c'est la situation empire, et on rajoute du gauchisme sur des politiques qui ont créé par exemple du white flight ou des quartiers avec des gens qui sélectionnent que des blancs. Donc il y a des quartiers où il y a que des blancs et les gens payent leur loyer correctement. Donc les gauchistes arrivent et ils disent mais il y a que des blancs ici, il faut rajouter des logements sociaux. Donc ils arrivent, ils mettent 20, 30, 40% de logements sociaux sur tous les nouveaux logements où la mairie se permet d'acheter des logements privés qui sont vendus sur le marché pour y rajouter des nègres. Donc les gens s'en vont parce que ça devient invivable, donc ils vont ailleurs et ainsi de suite, et donc le cycle recommence. Et il y a des mairies qui sont vraiment très énervées parce que le préfet vient les voir et leur dit maintenant il faut mettre 50% de logements sociaux parce que vous avez que 10%, et il faut, selon la loi, il faut que ce soit 20 à 30%, je sais plus. Enfin bref, les logements sociaux, c'est un gros gros problème, un gros sujet qui est discuté dans le dos des Français, parce que tu vois pas ça effectivement chez BFM. Par contre, les élus, les décideurs politiques, c'est en parlent en permanence, parce que Pour un maire, par exemple, qui veut bien peupler son centre-ville, eh ben, il va s'assurer que l'attribution des logements sociaux soit faite aux bonnes populations. Par contre, pour un maire de gauche qu'on n'a rien à foutre ou qui veut toucher des sous ou se faire bien voir de la préfecture ou autre raison encore de pourri, eh ben, il va mettre des nègres comme à Saint-Brévin-les-Pins dont on parlait l'autre fois. Oui, alors deux choses. Alors, exemple de corruption sur les logements sociaux, enfin, les logements raciaux, c'est Bilongo, le nègre de la France insoumise, hein, qui refilait ça à sa sœur, etc. Il sous-louait, enfin bon, voilà, donc pour illustrer, c'est comme ça partout. Et deuxièmement, j'ai vu une annonce de Ravier, sénateur aujourd'hui affilié au parti de Zemmour, qui faisait valoir que, y avait déjà, ça concoctait. Un système d'attribution de logements sociaux dans les petites communes pour, encore une fois, ventiler du CAFR à bloc. Hein. Donc, ils veulent passer la vitesse supérieure. Fatalement, hein, voilà, le vase déborde, donc il faut répandre. Toujours la même chose. Donc, on ne peut pas sortir de cette logique. Je veux dire, c'est la machine entière qu'il faut casser. Ça ne va pas s'arrêter de soi-même. Voilà ce que je voulais dire, hein, en passant. Donc, merci pour ce témoignage à notre auditrice et bon courage pour la suite. Elle en aura besoin, je pense. Start up the rotors, pack the leftist scum, drop them in the oceans, leave no one alive. Free your country from the leftist scum, forever free, prosperous and proud. Start up the rotors, pack the leftist scum, drop them in. Leave no one alive. Free your country from the leftist scum. Forever free, prosperous and proud. Start up the rotors, pack the leftist scum. Drop them in the oceans. Leave no one alive. Free. And proud, start up the rotors, pack the leftist scum, drop them in the oceans, leave no one alive. Free your country from the leftist scum, forever free, prosperous and proud. Start up the rotors, pack the leftist scum. Drop them in the oceans, leave no one alive. Free your country from the leftist scum. Forever free, prosperous and proud. Start up the rotors, pack the leftist scum. Drop them in the oceans, leave no one alive. Free. Courrier numéro 2, toujours des auditeurs bien sûr. Bonjour Gandalf, je me permets de porter à votre connaissance l'existence de la réserve opérationnelle de la police nationale. En effet, si des démocrates voulaient y rentrer, ils seraient dans une institution civile, donc non mobilisable pour partir sur le front de l'Est. La perspective de Troisième Guerre mondiale qui se précise. Ils apprendraient le maniement des armes, du pare-balles, du secourisme, de guerre. Ils pourraient verbaliser des chances pour la France, se faire plaisir durant les violences urbaines. De plus, leurs salaires serviront à sécher l'État et éviter que cet argent aille aux clandestins. Ils resteront dans leur zone géographique et ils n'iront pas en région parisienne obligatoirement. Évidemment, il faut un casier vierge et ne pas avoir de tatouage politique. Je peux vous dire qu'actuellement, par ce biais, l'institution est en train de se faire noyauter par les gauchistes. Il serait dommage que l'on ne fasse pas la même chose. Cher Gandalf, veuillez recevoir mes sincères salutations ariennes en espérant que j'ai pu vous aider dans votre travail au redressement de l'âme européenne. Cordialement, j'ai pas le nom tout sous les yeux là, du contributeur qui ne m'envoie pas. Merci à lui de toute façon, il se reconnaîtra. Et, ben ça, c'est un conseil pratique. Écoutez, oui, alors il y a par rapport à la Troisième Guerre mondiale, il y a un vrai risque, hein, je veux dire, c'est pas une blague. Hein. Donc, c'est mieux d'être à l'arrière qu'à l'avant. Hein. Peut-être pas mourir pour les Juifs, quand même. Donc, écoutez, c'est peut-être un conseil utile. Réserve de la police, éventuellement. En tout cas, j'ouvre le débat, on va dire, parce que moi, j'ai pas d'avis tranché là-dessus. J'ouvre le débat. Est-ce que ça vous paraît judicieux, pas judicieux? Si vous avez une opinion, une expérience éventuellement à nous transmettre de manière anonyme, n'hésitez pas, vous connaissez notre adresse email, on se fera un plaisir de la partager, de la discuter. Jean ou Hydromel, là-dessus, sur ce conseil, est-ce que ça vous paraît pertinent ou pas? Moi, je n'ai pas spécialement de conseils à apporter par rapport à ça. Les recrutements se font plutôt en dessous 26 ou 30 ans. Si c'était à refaire, je ne crois pas que j'irais moi dans l'administration, même si il y a certains avantages. Voilà. Oui, pourquoi pas. Après, c'est pour éviter une mauvaise affectation si tu es en cas de guerre. Hein, c'est bien précisé. Hein, c'est ça le truc. C'est de ce qu'il nous dit. Tu n'es pas mobilisable si tu es dans la réserve de la police. Tu n'es pas mobilisable pour aller. Sur le front. Et moi, je dis que c'est un risque très réel. Oui, c'est dans ce contexte-là. J'avais pas compris. Donc, c'est un avantage. Si ça permet d'échapper, d'être en première ligne et de garder la vie, oui, donc c'est une bonne information qui est donnée. Jean, dans le cadre, hein, donc, comme je disais, de pas se faire mobiliser, conscrit fort. En fait, ça s'adresse à des jeunes, en fait. Voilà, vous avez 21, 22 ans. Même moins, parce que le SNU c'est beaucoup plus jeune, mais vous sentez qu'on vient vers vous, vous avez peut-être une option B en fait. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, faut jamais croire une seule promesse d'un quelconque régime démocratique, donc surtout la France, j'ai envie de dire, surtout la République française. Donc, s'il y a des gens qui savent manier des armes, qu'ils ont des listes de gens qui savent manier des armes, dont la réserve de la police nationale, s'ils ont besoin de barbac pour aller tenir le front face aux Russes, faut pas se faire de soucis, ils sauront faire 1 plus 1 égale 2. Donc, après, est-ce qu'un régime fragilisé n'aurait pas besoin quand même d'une bonne police intérieure quand même? Les conscrits, ça fait jamais. Enfin, ça dépend. Si on envoie des conscrits de Corse en Bretagne, peut-être que les Corses, ils en ont rien à cirer de taper sur les Bretons. Et dans ce cas-là, ça peut marcher. Mais souvent, quand on prend des gens locaux, ils tapent pas sur les locaux. Ça marche. Moi, j'ai des doutes. Ma philosophie, c'est de ne moins exister possible aux yeux de l'État français. Donc, si je ne peux ne pas répondre à une lettre officielle ou à un truc comme ça, je le fais toujours. Comme ça, ça m'évite d'avoir des problèmes. Parce que ça finit toujours par revenir d'une manière ou d'une autre. Ils ont toujours une mauvaise idée avec les données qu'on leur donne. Donc, je préfère éviter à titre personnel. Mais bon. D'accord. Non, mais je note, hein. Il y a un ou deux ans, on a vu en Ukraine, quand la guerre a éclaté avec la Russie, on a vu les militaires ukrainiens débarquer dans les appartements et partir avec le père de famille ou quelqu'un en âge d'aller au combat. Dans la rue, ils sautent sur des hommes encore, hein, des hommes en âge de se battre, ils leur sautent dessus et ils leur donnent un document pour les mobiliser et pour leur dire « toi, tu vas au front ». Donc, c'est tout à fait possible. Hein. Donc pour ceux qui vont pas utiliser l'option de rentrer dans la police pour échapper à ça, en dernier recours, je pense pas forcément qu'on arrivera jusque-là, mais il faut avoir une solution de repli. Peut-être imaginer être apte à quitter son logement pour ne pas se faire embrigader, en fait. La question est ouverte, en tout cas, messieurs. Rubrique numéro 2, hors bleu. Alors, ça, c'est un peu le sujet qui nous passionne. Croyez-le, croyez-le pas, Nogaret se plaignait pas, mais il voulait qu'on en parle plus de Mayotte. Alors moi j'étais là, c'est bizarre quand même, j'ai l'impression moi plutôt d'en parler beaucoup, et je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui en ont assez que je parle de Mayotte, ils veulent qu'on leur parle d'autre chose. Alors moi je sens dans Mayotte évidemment un symptôme qui mérite d'être analysé de près, parce que ça révèle tous les problèmes profonds en fait qui affectent le système français. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se révèlent à cette occasion, de beaucoup plus fondamentales qu'on ne pense. Mais écoutez, superficiellement, on pourrait dire c'est juste un caillou dans l'océan Indien, on en a rien à cogner. Là. Bon. Mais Nogaret trouvait que pas. Il faut en parler plus. alors là, vous allez être servis, messieurs, vous allez être servis. Parce que, alors là, mes auditeurs en sont témoins. Je l'ai dit il y a des semaines, ça. D'accord. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, vous allez voir, la solution magique à la bombe thermonucléaire nègre qu'est Mayotte, et islamique, j'ai oublié de préciser, c'est que ça va ventiler direction la France métropolitaine. Je l'ai dit, mes auditeurs en sont absolument témoins. Et à l'époque, rappelez-vous, personne n'avait écrit une ligne à ce sujet, ni même évoquer l'hypothèse, ça n'existait pas. Et moi, je vous ai dit, vous allez voir ce qui va se passer. On m'a écouté, on m'a pas écouté, on m'a pris au sérieux, j'en sais rien. Mais alors, le Figaro, cette semaine, nous pond un article qui montre, en réalité, que depuis des mois, les immondes cafres musulmans de Mayotte, illégitimement représentés à l'Assemblée nationale, du haut de leur département imaginaire, concoctaient un rapport parlementaire pour mettre la chose au point. C'était déjà dans les tuyaux. Moi, je ne le savais pas, bien entendu. Mais, avec un instinct sûr, l'expérience de l'histoire, c'était évident. Alors, pendant que tous les cons du Rassemblement National étaient en train de braire sur leur banc, en disant « Mayotte, français, pour toujours !» etc. Voilà, bon, toute la connerie lourde de la droite coloniale, café au lait, eh ben, dans la coulisse, les mêmes parlementaires qui viennent de Mayotte, qu'on nous présente comme des Français exemplaires, hein, il y a un unanimisme à droite, là, ça c'est des Français de première classe. Hein. Ils arrivent là, habillés comme chez eux, hein. Bon bah moi j'ai rien contre, mais il faut qu'ils restent chez eux, c'est juste ça quoi, voilà. Bon ils arrivent là, ils sont enrobés de leur truc, là, ils ont leur gueule, pas possible, personne comprend rien, eux-mêmes ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Et donc ils arrivent, voilà, et en fait, on les présentait comme les plus Français des Français. Mais plus Français que le... Prenez le plus français des Français, bien c'était encore au-delà. Et alors, ils préparaient le sale coup. Et les autres n'ont rien vu. Alors voici le fond de l'article. C'est tout à fait extraordinaire. Alors je lis. Répartir les migrants pour désengorger Mayotte. Un brin provocatrice, la proposition figure parmi les recommandations du rapport parlementaire publié par la Commission des Affaires étrangères ce mercredi. Alors que le sujet de l'immigration revient dans le débat public, les deux rapporteurs, la députée Lio, donc Lio c'est le groupe parlementaire, hein, L-I-O-T, de Mayotte, Estelle Youssoufa, musulmane, portée au nu par toute la droite française, je le rappelle, et l'élu Horizon de Corse, Laurent Marcangeli, ont établi en 75 pages un état des lieux détaillé du poids budgétaire de l'immigration dans le 101e département français. Pour eux, la métropole doit prendre sa part. On nous dit que l'immigration des Comores n'est pas un problème, alors que tout le monde en profite. Défie l'élu mahoraise. Bah, elle a raison, hein, voilà. Elle commande. À l'heure où l'opération, je suis incapable de prononcer, Darmanin est fou. Darmanin est fou. Il crée des opérations de police. Il fait rabouler 2000 gendarmes sur place et il donne un nom que personne ne comprend. C'est rien que ça, déjà, là, ça, c'est, il devrait finir aux troupes, un truc pareil. Voilà. Il peut pas utiliser la langue française, c'est compliqué. Voilà. C'est quoi ce truc-là? Woumbom, je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas ce que c'est. C'est le nom d'un clodo qu'on pourrait croiser au coin d'une rue à Paris. Je sais pas. Donc, bref. Ce truc. Donc, la fameuse opération mirobolante qui était censée se terminer en déportation de 10 000 babouins, eh bien, nous dit Le Figaro, donc lancée fin avril, c'est vous dire si c'est poussif, pour démanteler des bidonvilles, peine à se concrétiser. Les parlementaires préconisent de mettre un terme aux visas territorialisés à Mayotte. Ce titre de séjour, propre au 101e département, permet aux étrangers de séjourner exclusivement à Mayotte, sans aller plus loin. À moins d'attache familiale en France. Alors moi, tout de suite, j'ai envie de dire, mais pourquoi on ne peut pas appliquer ça en France déjà ? Parce que visiblement, c'est possible à Mayotte, mais j'aimerais ça, moi. Ça pourrait être intéressant, ça. Alors, depuis des années, les élus mahorais de tous bords demandent la levée de cette restriction. Alors, notez bien, hein, donc, en fait, c'est une espèce de digue, en fait. Je vous explique ça. Hein. Donc, il y a un visa spécifique à Mayotte, tu fous les pieds à Mayotte, tu peux pas aller dans les autres départements, t'es cantonné à Mayotte. Alors, voici ce que nous dit Le Figaro, hein, je répète. Hein. Depuis des années, les élus mahorais, donc tous les basanés du bled, de tous bords, donc droite, gauche, on s'en fout, demande la levée de cette restriction qui charge lourdement le plus pauvre des départements français. Alors là, il faut interpréter ce que dit Le Figaro. Ça veut dire qu'en fait, ils demandent la levée de la restriction pour qu'ils puissent tous filer en métropole. Voilà. Alors je cite, « On nous dit de serrer les dents, on nous accuse aussi de manquer de solidarité, mais ici, on est saturé. 50 000 étrangers irréguliers, c'est insupportable, nous dit sur notre... » Je reprends. C'est insupportable pour notre petit territoire de 374 km², alors que pour l'Hexagone, ce n'est pas grand-chose. Argue Estelle Youssoufa, donc députée hein, française. Le rapport révèle des données inédites obtenues au forceps auprès de l'Agence régionale de la santé, l'ARS de Mayotte. Alors, c'est ce que je voulais dire par rapport aux véritables chiffres sur le logement, la CMU et compagnie. On ne sait rien dans cette République. Tous ces bureaucrates se couvrent les uns les autres. Ça, c'est un exemple. Les chiffres sont formels, avec 93 000 patients français. Vous en faites ce que vous voulez, hein, du mot français. Pour 85 000 d'autres nationalités en 2022, la moitié des prises en charge hospitalières à Mayotte bénéficient aux étrangers. Pour y remédier, les députés préconisent l'instauration de l'aide médicale d'État qui, autre exception, n'existe pas à Mayotte. Donc, encore une fois, c'est la métropole qui doit passer. C'est pour ça qu'ils veulent l'AME et tous les trucs là pour que les Blancs y casquent. Pour que leur budget à eux, sur leurs cailloux, ils en bénéficient intégralement. Vous voyez ce que c'est, ces putains de babouins dont nous parlait avec des étoiles dans les yeux le Rassemblement National en disant que c'était les meilleurs des Français. Tous ces cons là sur Twitter et sur les réseaux sociaux qui sont en train de leur tresser des louanges. Mais c'est la fin de race par excellence. Tous ces métèques à papier français de ce caillou maudit qu'on appelle Mayotte, il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Ils veulent juste qu'on passe à la caisse, à leur place. Et en plus, ce qu'ils ont, c'est déjà nous qui leur donnons. Il n'y a pas eu une figure de droite nationaliste, c'est-à-dire qui compte, et je parle au plan institutionnel, pour leur foutre ça dans les dents à ces macaques. On nous a dit, il faut les garder absolument. On nous a dit, oh, les Comoriens, mais on ne peut pas. C'est complètement con. Vous avez vu ce qu'on nous dit ? Regardez, on nous dit, il y en a 93 000 Français qui sont soignés. Ce n'est pas des Français, c'est des basanés Comoriens qui ont des papiers français. Ça, c'est complètement différent. Et, comment dirais-je, 85 000 étrangers. Mais c'est les mêmes, c'est des Comoriens, sauf qu'ils n'ont pas de papiers. C'est les mêmes gens. Donc, c'est tous des Comoriens. Ils sont tous pris en charge par l'État français, c'est-à-dire par le contribuable blanc. Voilà, ça c'est clair. Là, on comprend. Et la logique voudrait qu'on leur file l'indépendance. Voilà, ça c'est clair, voilà un débat qui est bien posé. Mais là, avec leurs trucs, avec leurs histoires de papiers français, plus personne ne comprend rien. On va nous dire, mais il y a des Français d'un côté, il y a des Comoriens de l'autre, ah bon, voilà. Ah ouais, mais les mecs de Mayotte, en fait, ils veulent qu'on instaure la ME chez eux. Alors bon, en France, on n'en peut plus, tu vois, c'est le budget, il monte tous les ans, mais alors, eux, ils en veulent plus. Alors je ne vous raconte pas, hein, s'il faut soigner les babouins de Mayotte en plus, les clandestins de Mayotte en plus, on n'en sort plus. Mais c'est une exigence des Mahorais. Du 101e département français, là. Ouais, non, ils la veulent, eux. Vous voyez, c'est de la folie furieuse. Bah, c'est ce qui se passe, là. C'est ce qui se passe. Alors, je poursuis, excusez-moi, mais moi, ça me met hors de moi. Alors, données de l'ARS de Mayotte sur la prise en charge au centre hospitalier de Mamoudzou. Qu'est-ce que ce nom, en plus, là, encore ? Ah non, non, non, non, non. Alors, rapport parlementaire sur les enjeux migratoires dans l'océan Indien, le 31 mai 2023. Alors, l'objectif de l'étendre à Lille est double. D'une part, soulager le centre hospitalier de Mamoudzou, à qui revient actuellement la charge de l'ensemble des soins. La moitié de l'enveloppe budgétaire de l'hôpital va aux étrangers qui profitent de soins gratuits. Cela crée une concurrence dans l'accès à la santé, car à l'arrivée au centre, on fait attendre le Mahorais pour donner la priorité aux Comoriens, alors que le Mahorais, lui, paie sa consultation, pointe Estelle Youssoufa. Sale négresse ! Sale négresse ! Il n'y a pas de différence. Le Mahorais est un putain de Comorien. Elle est là, mais on fait payer le Mahorais. Mais espèce de guenon, ton Mahorais, d'où il sort sa pute, le pognon pour sa consultation? De la poche du blanc qui verse chaque année. Je vous assure, hein, il faut tous les foutre dans un sac et les balancer au milieu de l'océan Indien. Mais on peut pas, parce que le RN veut faire la distinction entre les bons babouins patriotes et les mauvais babouins qui viennent sauter sur notre arbre du 101e département pour bouffer les bananes du bon babouin. Voyez ? Comprenez la nuance ? Les nuances patriotiques du souverainisme ? Non, mais c'est fou. C'est la transsubstantiation républicaine, c'est-à-dire que dès que tu leur donnes un papier français, tu transformes un macaque comorais en français comme toi et moi, et donc ça y est, il faut lui donner tous les droits, faut tout faire. Tu sais, la transsubstantiation dans l'Église catholique, c'est quand le curé bénit l'hostie et la présente à la messe, et donc ça devient la chair du Christ. Bah, c'est pareil, c'est vraiment une religion républicaine. T'as un énorme blocage dès qu'il s'agit de gens qui ont des papiers français. C'est fini, on peut plus rien faire. C'est une opération magique. Le cash, c'est une opération magique. Mais toi, tu dis les papiers, mais c'est pas les papiers. C'est la magie du territoire français, le pays de la liberté depuis la Révolution, tu vois. C'est-à-dire qu'une fois que t'es sur le territoire de la République française, c'est magique. Tu sais être un nègre. T'es un citoyen, tu vois, à égalité, tu vois. C'est les droits de l'homme, c'est magique, tu vois. C'est magique, c'est la pensée magique. Hein. Et effectivement, je te rejoins. C'est la transsubstantiation, absolument. Voilà, c'est l'opération du Saint-Esprit, quoi. Hein. Voilà. Non, c'est des sales nègres. Moi, je vous le dis que c'est des sales nègres. Moi, je vous le dis que c'est des sales nègres. Voyez ? Mais moi, à la limite, et c'est pour ça que j'avais dit, quoi, sur Mayotte, la position de bon sens, c'était l'extrême gauche. Hein. Parce qu'eux, ils disaient, non, mais c'est des Comoriens, il faut leur donner l'indépendance. Mais tu sais, eux, ils sont hostiles à la France, tu sais. Donc, comme ils sont anti-français, ils veulent que la France lâche le caillou, tu vois. Mais le fait est que c'est rendre service aux Français, aux Blancs. C'est leur rendre service de lâcher ce truc. C'est absolument évident. Tu vois, maintenir le truc à tout prix, c'est de la folie furieuse, tu vois. C'est complètement dingue. Ouais, mais tu crois quoi ? Ils vont continuer de demander ce qu'on leur envoie du cash chez des médecins, ce que tu veux. Il faut pas rêver, je sais. À la caisse. Tu croyais vraiment pouvoir t'en sortir comme ça facilement. Attends, ça continue parce que attends. Quand même. Alors, l'autre avantage, donc d'étendre l'AME, voilà, serait de lever le flou sur le coût réel de l'immigration sur le système hospitalier du département. Avec l'AME, au moins le bilan sera transparent, explique le député LR, donc les Républicains de Mayotte, Mansour Kamardine, qui soutient l'idée de longue date. Ah ben ça fait longtemps qu'il réclame l'AME, lui, vous voyez. Alors, nous portons cette proposition depuis plusieurs années, mais l'État l'a toujours rejetée. La seule explication est qu'ils veulent cacher les chiffres. Il serait gênant que la métropole sache le coût véritable de l'immigration sur la santé à Mayotte, estime l'élu, qui rappelle que 75% des évacuations sanitaires vers la Réunion bénéficient à ce jour aux étrangers mahorais. Alors, d'abord, moi, si tu veux, mon gros nègre Mansour, tu vois, j'en ai rien à foutre de savoir lequel est un Comorien officiel et lequel est un Comorien officieux qui se dissimule sous un passeport républicain français. Mansour, gros nègre, je m'en fous. Moi, je vois des nègres qui bénéficient d'un pont aérien en jet privé direction La Réunion pour se faire soigner une patte cassée aux frais des Blancs auxquels on ferme les maternités dans les départements de France et de Navarre. Moi, c'est ça que je vois, mon gros Mansour. C'est ça que je vois, gros nègre. Donc moi, ce que je proposerais, si j'étais candidat à la République française, à la présidence de la République française, c'est que déjà, tu vois, ton caillou, déjà, t'as l'indépendance. Faut te démerder entre. Mais la Réunion, c'est le même tarif, indépendance, tu vois, indépendance. Il y a plus de ponts aériens, il y a plus de soins. Vous crevez tous de la lèpre, du typhus, du choléra, de toutes les saloperies que vous vous transmettez depuis des millénaires. Là, quand tout le monde était content, vous êtes tous en train d'en crever, comme ça vous faisiez chier personne. Vous voyez, voilà, ça c'est une vraie politique française, là, tu vois. Ouais. Manque de bol, je suis pas candidat à l'élection présidentielle, et manque de bol, même si je me présentais avec un programme pareil, la seule chose que je gagnerais, c'est le droit de faire un tour en tôle. Donc c'est bien dommage. Mais bon, pour autant, seule position de bon sens, c'est à ceux qui sont interdits. Alors je termine quand même sur cet article, hein. Du Figaro. Je pense que Fabius, il te donnerait pas les signatures. Moi, je non, suis surpris. Je crois pas. Non, il dirait non, c'est pas possible. Là, attention. Oula. Non, il soutenait Al-Qaïda, Al-Nusra en Syrie, parce qu'il faisait du bon boulot sur le terrain. Mais là, moi aussi, je ferais du bon boulot sur le terrain, mais ça serait compliqué. Quoi, tu vois, moi, je ferais du bon boulot sur le terrain. Je vous assure, hein. Mais bon. Ah oui, on n'en doute pas une seule seconde. Ah oui, j'aurais de l'allant, hein. Alors qu'un débat sur l'immigration est prévu dans l'hémicycle à l'automne prochain, c'est loin quand même, la proposition risque de faire réagir en métropole. Gérard-François Dumont, démographe et spécialiste des DOM, est néanmoins circonspect sur l'efficacité d'une telle mesure. En France, passer de 200 millions à 1,5 milliard d'aides médicales d'État en une dizaine d'années n'a pas mené à changer les règles pour autant. Donc là, ce qu'il veut dire, ce spécialiste, il dit que voilà, en France... Donc l'AME a été mise en place par Jospin au tout début des années 2000 à peu près. Hein. Et le budget n'a fait que croître. Parce qu'en fait, les babouins se multiplient, vous avez compris. Donc c'est une aide réservée aux clandestins, hein, ceux qui n'ont pas de titre, ceux qui n'ont pas de papier, rien. On soigne tout avec ça, hein, c'est fabuleux. Non mais oui, ils sont couverts à 100%, hein, alors que les blancs, il faut quand même qu'ils payent un pourcentage. Ouais, ouais, puis il faut des papiers et tout ça, voilà. Donc... Ouais, donc, ouais. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais là, voilà. Donc, c'est passé de 200 à 1,5 milliard et il dit, voilà, personne n'a bronché, on n'a pas changé les règles pour autant, il s'est rien passé. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'il dit, bon, vous rajoutez Mayotte dans le panier, on va pas changer les règles. On va mettre plus de pognon, mais on va pas changer les règles. Donc, faut pas croire que tout d'un coup, il va y avoir un déclic. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. Évidemment, les babouins de Mayotte n'en ont rien à foutre. Eux, ils veulent juste pouvoir continuer à bouffer son dodo gratuitement. Vous avez bien compris. Et pas partager avec leurs frères en islam des Comores. Voilà. Le spécialiste des DOM souligne par ailleurs, hein, le risque d'un appel d'air. Alors ça, là, ça devient intéressant parce que non, il pointe un phénomène qui est largement sous-estimé chez les bandits du Rassemblement National qui soutiennent. Je vais faire la distinction. Il y a sûrement des parlementaires qui sont lucides au sein du Rassemblement National à propos de la situation, mais ils sont écrasés par l'énorme pachyderme Marine Le Pen qui veut absolument garder ce caillou inutile. Et alors, là, on a quand même un vrai questionnement. Et alors, c'est technique, le mec parmi les extrême droite, hein, c'est juste un gars qui s'occupe des DOM. Vas-y, ce qu'il dit, les parlementaires parlent à leur électorat. Ils veulent un effet immédiat et raisonnent en termes de stock et non de flux migratoires. En permettant juridiquement aux étrangers d'aller à La Réunion et dans les autres départements français, donc si on accède à la demande des députés mahorais dont je parlais, Mayotte va devenir une grande zone migratoire, porte d'entrée vers la métropole et les autres pays européens, avec des effets secondaires potentiellement exponentiels en attirant les Malgaches voisins, ainsi que les ressortissants d'Afrique orientale. Ne nous faisons aucune illusion, les passeurs seront les grands gagnants avec davantage de clients, c'est certain qu'ils augmenteront leurs tarifs au surplus. Pour Mansour Kamardine, donc notre fabuleux nègre musulman des Républicains, gaulliste donc, cette pression est toutefois nécessaire pour une prise de conscience collective, donc c'est du chantage carrément. Tous les droits de l'homiste de métropole comprendront notre problème, car loin des yeux, loin du cœur, grince l'élu LR. Alors oui, mais moi j'en ai rien à branler de ton discours sur les droits de l'homiste, hein, je m'en fous complètement. Je m'en fous de ton caillou, je m'en fous de ta gueule aussi, Mansour, je te le dis franchement, je m'en fous de ta religion, je m'en fous de ta couleur de peau, je m'en fous de ta race, je m'en fous de ton continent, tu vois. Tu prends tes clics et tes claques et tu deviens une part des Comores. Vous êtes tous musulmans, vous êtes tous basanés, vous avez tous le même budget, vous vous bouffez tous la gueule à coups de machette, et c'est fabuleux, et j'en ai rien à foutre, et tout le monde est content, en tout cas en Europe. Voilà un deal. Et vous reprenez tous vos ressortissants qui ont déjà réussi à foutre le pied sur le continent européen. Merci. Tout à fait. D'ailleurs, au passage, en tuant quelques Français, faut-il le rappeler, dont l'effroyable histoire de viol. Vous vous rappelez ça de cette jeune nana dans la banlieue lyonnaise, là, une belle nana là, de 16-17 ans. Elle rentrait sur son chemin de l'école là, et s'est fait violer par un Mahorais. Hein. Vous en rappelez de cette histoire? Non? Ça avait défrayé la chronique. Non, hein. J'ai pas vu passer ça. Si, si, parce qu'il y avait le frangin qui a fait... Il y en a trop. Oui, il y en a trop, d'accord, mais voilà. Non, non, ils sont au travail, ils sont là. Alors voilà, moi, c'est ça que j'ai à dire à Mayotte. Donc, Moi, je suis totalement d'extrême gauche sur Mayotte. Je suis hyper d'extrême gauche. Totalement anticolonialisme. Mais je veux dire, complètement anti-drapeau tricolore sur Mayotte. Moi, j'appelle l'émirat de Mayotte à annexer tout de suite. Bon, ils n'ont pas de forces armées, c'est dommage. Mais bon, voilà, moi j'appelle à. Mais c'est plus possible. Mais ils veulent, hein. C'est pas le président qui était passé à la télé pour dire que ce qui se passait en Ukraine, c'est comme ce qui se passe à Mayotte. Mais non, mais c'est vrai. Mais c'est absolument. Non, mais d'un point de vue, si tu veux, du droit international, du point de vue, c'est absolument vrai. C'est-à-dire que c'est un archipel musulman africain, même peuplement, même culte. C'est juste que les Français au 19e siècle ont planté un drapeau là. Mais à l'époque, il n'y avait pas de natalité, il n'y avait rien, ils étaient trois pelés sur le caillou. Mais maintenant, avec le cataclysme démographique africain, l'équation n'a plus rien à voir, on ne parle plus du tout du même truc. Tu vois, c'est comme d'avoir un drapeau à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il n'y a que des Blancs, moi, tant mieux, des Normands, des Bretons, tant mieux. Mais je veux dire, voilà, ils sont 6 000, voilà, on s'en fout, quoi, tu vois, je veux dire, c'est un... Tu t'en fous d'avoir un drapeau sur une île où il y a 6 000 habitants pendant 300 ans, tu t'en fous. Mais là, vous avez vu ce qui se passe? Tu peux pas avoir la même politique, tu peux pas avoir... Et Sarkozy nous a transformé ça en département, et on rentre dans la mécanique donc de l'alignement sur les standards métropolitains. Du coup, les enculés de politicards locaux qui sont tous des babouins disent « Ah oui, mais non, tout ça a été décrit. » L'extrême droite, entre guillemets, parce que bon, représenté par Marine Le Pen, en fait le double. C'est-à-dire qu'il faut absolument pas lâcher le machin. Au contraire, il faut remettre du cash parce que l'empire colonial, donc c'est Dien Bien Phu, c'est la guerre d'Algérie. On en fait trois fois plus. Et on sait que ça va se terminer en désastre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Oui, oui, ils vont vider les poubelles en métropole. Comme l'a dit la Youssoufa, qui a été encensée par le Rassemblement National à l'Assemblée Nationale, comme étant hyper patriote, parce qu'elle elle a agité le drapeau de la CAF, c'est-à-dire le drapeau tricolore. Voilà, voilà où on en est. Bon, alors, c'est corroboré. Hein. C'est corroboré. Et bon, alors, je ne sais pas si vous avez connu cette histoire, mais les enfants de la Creuse, le juif gaulliste, là, les gaullistes, c'est vraiment la pire des raclures. Là, ils sont tous là en train de pleurer, les gaullistes, là, tu sais, les souverainistes, là. Ils sont tous en train de chialer, on comprend pas, etc. T'sais, genre, tu sais, De Gaulle, tu sais, il est. C'est Jeanne d'Arc, tu vois. Mais le juif de Bré, que De Gaulle a bombardé, ministre de l'Intérieur, qu'est-ce qu'il a organisé dans la Creuse dans les années 60, 50 et 60? C'est l'implantation de mulâtres des Antilles de la Réunion pour juguler le mouvement indépendantiste qui grossissait à la Réunion. Donc, même rhétorique sur l'empire machin, même cosmopolitisme, même politique raciale, n'est-ce pas? Mais sauf que là, l'ampleur, on n'en parle même pas. Donc, en fait, ils ont souillé la Creuse, parce qu'évidemment, les mulâtres ont mulâtré. Hein. Ils ont attrapé des blanches, ils ont pourri la rade. Donc, t'arrives là-bas, maintenant, tu sais, dans les zones là-bas, t'arrives, tu te balades, t'es dans la Creuse, tu regardes les gueules, tu te dis « Ah ouais, c'est la Jordanie qui, c'est bizarre, les gens, ils sont foncés ici, tu vois. » Bah ouais, ça se dilue, quoi, hein. Ça se dilue, quoi. Avant, il y avait des Gaulois, mais les Juifs sont passés. Maintenant, t'as des trucs bizarroïdes, quoi. Bah là, tu vois, c'est la même chose, mais à l'échelle 100, quoi. Hein, voilà, quoi. Donc, un sas énorme en gestation qui est en train de se créer, là, au moment où on parle. En plus de l'immigration du reste d'Afrique, hein, voilà, bien entendu. Mais moi, ça m'exaspère. Je ne me fais, bien entendu, aucune illusion sur le fait que on va y aller, quand je dis on, c'est Paris, l'État français, à fond, et qu'on va effectivement récolter tout ça sur le coin durable, en plus de tout ce qui débarque d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Amérique du Sud, parce que, je ne sais pas si vous n'avez pas remarqué, mais il y a de plus en plus de Sud-Américains. parle pas d'Argentin, bien entendu, hein. On parle de trucs un peu plus bizarres. Quelque chose, un point supplémentaire là-dessus, ou bien on est au clair Enfin, on peut faire une... Ouais, enfin, je vous ai ma parole, ouais. Moi, je note que c'est culotté quand même de sa part, cette Youssoufa, donc, qui n'est pas autochtone de France, donc elle est en France et elle protège son ethnie qui est à l'autre bout de la planète, en disant, bon, oui, mais 10 000, la France est capable. Non, ça fait des millions et ça fait 70 ans que ça dure et maintenant, il y a des dizaines de millions d'allogènes. Donc, je lui pose la question, bon, c'est bien sûr... je ne me fais pas d'illusions sur la réponse, mais est-ce qu'elle pourrait... Elle a un mot de compassion pour son ethnie, mais est-ce qu'elle pourrait avoir un petit mot de compassion pour les Gaulois, finalement, qui subissent l'invasion migratoire? On n'entend jamais des Noirs, voyez, protéger la diversité des Autochtones, des Blancs d'Europe. Donc voilà, je trouve j'ai cet aspect-là que je souhaitais relever. Oui, puis il y a un autre aspect, c'est que c'est une espèce de connasse, ce serait rien pour la France. Mais la France, ça fait 500 000 km², la France métropolitaine, 550 000. L'Afrique, ça fait 30 millions de km². La France et l'Europe, d'ailleurs, c'est minuscule, la France et l'Europe. S'il y a besoin de place, vous avez un continent énorme qui, bon, il se peuple à vitesse grand V, c'est vrai. Mais il est encore moins peuplé par densité, pour la densité. Donc, tu as de l'espace, va en Afrique, toi aussi d'ailleurs, parce que visiblement il y a besoin d'espace, vas-y. Non, mais elle y est déjà en fait, hein, en Afrique. Oui. Tout le problème en fait. Hein. On doit se concentrer sur l'Hexagone, toutes les îles lointaines qui n'ont rien à voir avec les Blancs d'Europe, ben c'est pas la priorité. Là, on doit faire comme ce qu'elle préconise pour Mayotte, on doit préserver la diversité des Blancs d'Europe et ben, les autres, ben ils sont invités à faire la même chose pour les peuples desquels ils sont issus. Voilà. Jean, tu voulais poursuivre sur ton temps ? Non, bon, j'ai fini, okay. Vous avez compris. J'ai compris, moi j'ai compris. Et juste en guise de touche supplémentaire, dans le Tarn, vous savez, il y avait un projet de... C'est très à la mode, hein, pour vider Paris en vue des JO 2024, pour que Paris ait l'air d'une ville européenne. Gros challenge, hein, je veux dire, déjà en soi, si tu veux, c'est quasiment... oui, c'est remporter les Jeux Olympiques, rien qu'en soi, en fait. Donc Macron vide ses poubelles, la bourgeoisie parisienne vide ses poubelles, hein, tous les donc Boboland, en fait, vide ses poubelles, hein, ils nous disent, ouais, mais génial, ils votent Hidalgo, tu vois. Mais quand ils font un grand événement international et que c'est une poubelle, ils se rendent compte et ils disent « Non, mais en fait, là, ça craint un peu. » Pour les photos, il faut quand même dégager tous les nègres et les bicots qui dégueulent là, dans les rues. Là, c'est pas possible. Là. Bon, c'est pour 15 jours, mais enfin, il faut quand même s'y prendre un petit peu à l'avance. Donc, en fait, 2 ans quand même. C'est-à-dire que les égouts parisiens débordent tellement que quand tu veux faire place nette, tu vois, il faut s'y prendre 24 mois à l'avance, tu vois. Et à rythme soutenu, on s'entend. Hein. Donc, ils ouvrent des antennes de déversement d'ordures partout en France. Dans la France, c'est qui déteste. La France des ploucs, la France des fachos, la France des blancs, la France des consanguins. Alors, les blancs ne sont pas consanguins, hein, ça c'est l'Algérie. Hein. La consanguinité, prenez une carte de la consanguinité au niveau mondial, c'est très bien recensé tout ça, l'OMS fait ça très bien. C'est bizarre, ça coïncide en fait avec le monde musulman. Je dis ça juste en passant. Hein. Donc, quand vous voyez des gogoles qui vous disent la consanguinité, oula, pas d'islamophobie, hein, c'est... voilà, on va se calmer. Et alors, à Réalmont, il y avait un truc qui était ouvert, là la machine jacobine, l'état jacobin allait balancer de la chiasse à haute dose, hein, sur ordre de Paris. Parce que, faut quand même le rappeler aux Français, quand même, quelques 50 millions de Français qui vivent pas à Paris, vous êtes dégueux, vous avez aucune espèce de poids dans l'appareil d'État, vous obéissez à Paris, point barre, et à sa bourgeoisie et à ses juifs. Voilà. Donc, quand Paris dit « je vais vider mes poubelles chez vous », ben, 50 millions de Français disent « d'accord, vide tes poubelles chez moi. » Et merci. Voilà. Et là, on a un exemple donc de mobilisation, etc., où ça rouspétait un peu. Ouais, les locaux, on est dans le Tarn, hein, ça n'était pas très chaud, là. Pas tellement. Bon, c'est une petite commune. Hein. Alors, je lis ça. La source, Le Journal d'ici. Voilà comment ça s'appelle. Il n'y aura pas de centre d'accueil pour demandeurs d'asile, de CADA. Donc c'est le même schéma qu'à Saint-Brévin-les-Pins, un CADA. Dans le Réal Montais, c'est le principal enseignement de la réunion de concertation organisée ce vendredi 2 juin par le préfet François-Xavier Lauche pour apaiser les tensions nées depuis que la création d'un spot, donc d'un SAS, de 50 migrants hébergés en logement individuel avait été rendu public. Ce dernier devait s'ajouter aux trois centres qui accueillent déjà plus de 300 étrangers à Albi, Mazamet et Montance. Donc ça ventile, hein ? Le préfet, qui, je cite, « ne transigera pas sur l'accueil dans le Tarn de demandeurs d'asile pour, je cite encore, « soulager la pression migratoire en région parisienne », a précisé que ces derniers seront répartis dans tout le département. Ok ? Dans un communiqué publié ce soir, le représentant de l'État appelle les maires volontaires à se faire connaître dans un esprit républicain. Le cas échéant, des réunions publiques seront organisées dans les communes qui le souhaitent. La préfecture assure également que les modalités d'accompagnement des demandeurs d'asile par l'association Habitat et Humanisme, Habitat et Humanisme, seront renforcées. Maire de Réalmont, présent à cette réunion, Henri Violès, avoue son soulagement. Depuis le début, il n'a jamais été question d'autre chose que de ventiler les migrants dans de l'habitat diffus. Putain, notez les termes. Hein. À Réalmont et dans les villages alentours. Ah oui, non, mais il faut croire. Désormais, cette ventilation est élargie à l'ensemble du département. Donc le mec se félicite en fait que les poubelles ne sont pas versées chez lui, mais en fait chez tous ses voisins. Tu vas dire, oh bah ça va, oula, on a échappé belle, tu vois. Donc tu te félicites. Voilà, c'est comme Youssoufa, quoi, tu vois. Toi, tu dis, non, mais il faut tous les envoyer en Afrique, quoi. Youssoufa, il dit non, faut les envoyer en métropole. Et lui, c'est la même chose, en fait. Tu vois, le même. Alors, c'est un boomer, hein, il a plus de 70 ans, il a plus de 60 ans, le mec. Hein. Donc, il dit, ah bah, bonne nouvelle, hein, ça va, hein, ça tombe pas chez nous, en fait, ça tombe chez les voisins, c'est cool, quoi. Ouh, solution est trouvée, quoi. Alors, de son côté, le député RN Frédéric Cabrolier affirme qu'il s'est senti bien seul pour s'opposer à l'accueil de ces demandeurs d'asile à la préfecture, où était également présent à sa collègue LFI Karen Hérodi, une collaboratrice du député Renaissance Jean Terlier, le sénateur Union Centriste Philippe Bonnecarrère, la première vice-présidente du conseil départemental Elisabeth Clavry, le président de la communauté de communes Jean-Luc Cantaloube et le président de l'association des maires du Tarn Jean-Marc Balaran. Bon, ça pue la maçonnerie, rien qu'à lire les noms, ça c'est extraordinaire. Dans ces conditions, quid de la manifestation organisée par les opposants ce samedi à 14h réellement par les militants nationalistes de Patria Albigès, donc les opposants, hein, et de la contre-manifestation envisagée par l'extrême-gauche. Alors, si le député Cabrolier a appelé sur son compte Facebook à respecter l'arrêt de l'interdiction prise par le préfet hier, le dispositif de sécurité a été maintenu, avec notamment la mobilisation de 80 gendarmes dans la commune du centre Tarn. On n'est jamais trop prudent, nous dit le journal d'ici, quoi. Jamais trop prudent. Oui, les autochtones pourraient être révoltés, on n'est jamais trop prudent. Attention. Alors, votre réaction par rapport à cette affaire. Donc, moi, je mets ça droit dans la ligne de l'affaire Mayotte. Hein. Vous avez compris la grande mécanique. Alors là, pour coup, bon, là, c'est les blancs qui sont en colère. Et donc, apparemment, donc le régime adopte une nouvelle stratégie. On oublie les concentrations, même de 50 migrants sur une commune. On diffuse. Alors, médicalement, hein. On appelle ça des métastases, hein, quand même. Faut quand même le savoir. Hein. C'est mauvais, les métastases, hein. C'est mauvais. C'est pas une thérapie, les métastases. C'est pas du tout thérapique. Non, non. C'est létal, les métastases, ok? Donc, normalement, le corps étranger, vous voyez, il est chassé de l'organisme sain, vous voyez? Mais là, ce qu'on nous propose, c'est de loger plus profondément les métastases. Alors, moi, je suis pas content. Jean, éventuellement, bien sûr, Hydromel, est-ce que vous, faire de la du micro-management de nègre, ouais, micro-ventilé, ils en sont là, micro-ventilé à l'unité, tu sais, genre faire du porte-à-porte dans des communes de 150 habitants, tu sais, genre. Tiens, est-ce que vous voulez pas, regardez, ouais, on vous a trouvé un habitat, bonjour, habitat humanisme, bonjour, oui, bonjour. Alors regardez, voilà, j'ai un magnifique érythréen là, il a 14 ans, il a 14 ans. Il a 14 ans. Il a pas l'air d'en avoir 35, non. Il a échappé à la guerre et il a déjà complètement absorbé les valeurs républicaines. Il est les droits des homos, tout ça, c'est voilà. Alors nous, ce qu'on veut, c'est lui trouver un logement. On va lui trouver un travail, un truc. Et mais on a besoin de quelqu'un pour l'héberger. Voilà. Vous avez des enfants en bas âge. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Porte à porte. Alors, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Qu'est-ce, est-ce bah, que j'en c'est... pense que c'est un génocide tranquille. C'est un terme que j'ai entendu, qui est né au Québec. Le terme génocide tranquille me paraît très bien. C'est-à-dire, il y a pas trop d'effusion de sang, et puis il y a le remplacement total des blancs d'Europe. Au final, ah tiens, c'est pire. Je verrais bien l'affiche de Mitterrand de sa campagne, que c'était la France tranquille. C'est le génocide tranquille, tu vois, c'est socialiste, parce que c'est lui qui a lancé la... Enfin, non. Non, c'est la droite gaulliste avec Giscard d'Estaing qui a lancé et Pompidou qui a lancé la c'est vrai. Mais même De Gaulle lui-même. Mais ça serait pas mal, ouais, ça serait pas mal. Un beau clocher. J'irais plus c'est vaporisé à l'unité et plus c'est pire, parce qu'au moins quand c'est sous forme de ghetto et même de département complet, voire maintenant de région, toutes les grandes villes deviennent minoritairement blanches. Au moins, ça laisse des grands espaces où c'est pas remplacé. Ouais, white, hein, quoi. Et donc là, c'est la pire des choses qu'ils sont en train de mettre en place. Jean, comment tu vois ça? Parce que là, c'est clair, le système s'adapte, c'est évident. C'est-à-dire qu'ils ont bien senti que ça résistait avec Calac, Saint-Brévin. Bon, Calac, c'est l'initiative des juifs, de millionnaires juifs, mais Saint-Brévin. Bon, ils sentent qu'il y a une résistance qui s'accroît. Ils sentent que l'opinion est pour l'opposition, donc cet infâme le préfet Loche. Donc encore une fois, les laquais de Paris. Il faut bien voir ce que c'est cette machine de mort qu'est l'État jacobin français. Hein. Ça, vous avez vu hein, le devoir de solidarité. Mais d'où ça sort? Est-ce que lui, le préfet de machin dans son château, il vit avec des clandestins séropositifs qui dealent de la merde? Est-ce qu'il vit avec? Moi, j'ai la question à poser là, parce que je le voyais sur des photos. Non, là. Bien sûr que non. Voilà, c'est ça. Et c'est d'ailleurs là, ce serait la bonne stratégie. Si les gens voulaient se mettre à résister, ils ont qu'à affréter un bus ou un minibus, et puis ils disent aux nègres: bon, bah venez, on va faire un petit tour. Bon, après, à la préfecture. C'est un peu le problème. Et tu les mets dans le minibus et tu les emmènes chez le maire, chez monsieur le maire. Ah bah regarde. Non, même pas le maire. Non, même pas le maire. Non, pas maire. Le préfet. Ouais, parce que chez le préfet. Chez le préfet. Bon. Parce que le préfet, c'est le boss de tous les maires. Oui, bah oui. Et il faut leur rendre leur bombe biologique. Il faut la remettre au bon endroit pour qu'elle explose au bon endroit. Pas chez les braves gens, mais chez les pourris. Chez les corrompus, donc il y aurait des moyens de résister. Hein. Bon, après, de toute façon, ces nègres eux-mêmes, ils disparaissent parce qu'ils les mettent dans des petits bleds comme ça, mais il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dealer. C'est mort, bon, ils peuvent un peu agresser les gens, Non, mais d'accord, mais quand tu vis dans un village. S'agréger dans une grande ville. Je sais pas, ils ont quand même moyen de les fixer. Parce que quand ils sont complètement dépendants des subsides de l'État, tu vois, ils restent quand même le temps qu'on leur dit. Et toi, quand t'es père de famille, que t'as des gamines, est-ce que ça va te rassurer? Non, mais de toute façon, ils vont finir par partir, tu vois, en sachant que t'as des machins comme ça qui traînent dans les rues de villages de 150 ou 200 personnes. Toi, tu ferais ça? Moi, je te le dis que non. Non, c'est sûr que non. Non, mais c'est sûr que non. Moi, je me satisfais pas de ce truc. Oui, mais ils vont finir par partir. T'as raison dans ce que tu dis. Tu dis que de toute façon, ça les intéresse pas de rester dans des blés. C'est vrai. Mais il y a un temps de latence. Et c'est pas satisfaisant. Les gens trouvent toujours une échappatoire, pour l'instant. Mais s'ils vont dans des hameaux ou dans des trucs minuscules et qu'ils commencent à mettre des nègres par grappe de 4 à 5, oui, là, ça risque d'y avoir des faits divers de plus en plus fréquents, parce qu'il y en a qui ne vont pas accepter. Hein. Bien entendu. Et puis souvent, c'est dans les beaux bâtiments de la commune, bien entretenus, très propres. Et c'est assez rénové, parce que c'est machin rénové. L'histoire du château, moi j'étais très déçu. Le château n'a pas été accordé à toute la bande de négros. Toujours dans le même état d'esprit. Hein. On désengorge Paris, etc. pour les JO, pour faire des belles photos. Mais oui, mais parce qu'ils ont finalement peur de leurs administrés aussi. Donc quand les gens commencent à montrer les dents, ben ils reculent et ils cherchent. Ils vont dans les endroits où il y a le moins de résistance. Donc il y a des maires de gauche, mais là ils ont commencé à faire un peu le tour des maires de gauche qui sont prêts à ouvrir un CADA. Même les maires de gauche, ils commencent à se plaindre. Là, je discutais avec quelqu'un qui me disait que même un élu à Marseille avait commencé à dire que de la gare Saint-Charles jusqu'au Vieux-Port, ça parlait plus français, que c'était pas terrible. Donc, il s'est fait traiter de raciste. Mais ils ont fait le tour et ils vont dans les niches là. Ils vont, comme tu le dis, ils vont de plus en plus dans des endroits petits et restreints, et donc c'est qu'ils sont un peu désespérés, hein. Apparemment, il y a Dunkerque et la Corse qui vont être épargnés. Ils ont fait des cibles comme ça, et pour l'instant, autour de Dunkerque et la Corse seront épargnés. Bon, les Corses, tu sais pourquoi ? Devine pourquoi ? Bah, ils ont gueulé, ils ont dit voilà. Mais c'est parce que les Corses, ils vont sortir les flags, ils vont l'assassiner. Donc, ça ferait bizarre dans la presse que des groupes armés nationalistes alignent des basanés. Parce que t'as pas besoin d'être très nombreux, hein. Là-bas en Corse, t'as 2-3 mecs, ils disent, bon, là, putain, on va faire un carton sur des bougnots, là. Ah, merde, tu vois, ils auront tout, de toute façon, toute l'île sera derrière, ils sont tous là, oui, oui, banco, et tout. T'as un problème politique majeur. Parce que c'est ça qu'on voit, c'est ce à quoi on assiste, c'est-à-dire, vous regardez les études d'opinion, ça devient écrasant. Tu vois, quand tu es à 51-52% des gens contre l'immigration, 48-49% qui sont pour. Bon, tu peux faire le con. Là, tu vois, les études d'opinion sont absolument claires. On s'approche des 3/4 de la population qui veulent que ça s'arrête, tout ce cirque. Ouais, mais dans les 3/4, tu as 60%, enfin 60% des 70%, c'est des autochtones. C'est-à-dire qu'il y a juste 10% d'étrangers parmi les 25 millions d'étrangers. En fait, c'est tout le monde. Oui. C'est tout le monde, c'est 100%. Il n'y a guère que des étrangers arrivés récemment et devenus français qui sont contre. Absolument. Donc, tu ne peux plus, pour les pouvoirs publics, tu ne peux plus te comporter en terrain conquis. C'est ça tout le problème qu'a l'État français, qu'a la bureaucratie française, qu'affrontent la police et la gendarmerie française et les magistrats français. Bien sûr, ils parlent toujours avec la même arrogance, leur presse continue à menacer, mais le fait est qu'ils ont perdu, sur ce terrain-là, les 3/4 de la population. C'est fini. La bataille sur l'immigration, au niveau, comme on disait dans la contre-insurrection, les cœurs et les esprits, ils ont perdu, c'est fini. Donc maintenant, il leur reste leur pouvoir dur. C'est-à-dire qu'ils ont encore le pouvoir préfectoral, le pouvoir de police, pour imposer. Mais politiquement, culturellement, c'est perdu. L'immigration n'est plus perçue que comme une nuisance. C'est fini. Alors donc, il n'y a plus que le côté désagréable. Donc t'as la trique et l'invasion. Voilà. Et donc, l'État intimide, force... ils menacent même pas tellement la population parce qu'ils savent que ça craint. Donc en fait, ils menacent les maires. Ils se servent des maires de plus en plus comme d'intermédiaires, comme de go-between. Mais les maires, ils commencent à sentir que ça brûle parce que les exemples se multiplient. Ou la population, on sent bien que ça se précise. C'est-à-dire que là, il va y avoir des troubles révolutionnaires. C'est inévitable maintenant à ce stade. Donc ils sentent, les maires le sentent. Et comme ces maires, ils sont là, ils se présentaient comme maires, mais c'est des trucs de notables, c'est des trucs de communes, c'est pour se faire mousser, c'est pour voilà. Mais attention, les mecs, ils sont pas là pour gérer des troupes révolutionnaires, ils sont pas là pour gérer des attroupements de gens qui veulent en découdre. Les mecs, tout d'un coup, les élus, ils disent oulala, attendez, et ils le disent au préfet, hein. Ils disent, les gars, mais attendez, vous êtes bien gentils, mais vous nous envoyez ça de Paris, d'accord, mais attendez, là, les gens que j'ai autour de moi, là, ils commencent à s'énerver, je reçois des menaces, là, comment je vais faire? Ah, ça commence à changer, là. Alors le préfet, il dit, oui, mais vous en faites pas, on va vous envoyer gendarmerie pour assurer votre sécurité, vous en faites pas, on va mettre un fourgon pour vous protéger en face de votre domicile. Bon, ça rassure pas le maire. Puis bon, le maire, il est plus ou moins dans des réseaux, hein, voilà, maçonnique et autres, donc il a plus ou moins parti lié dans des trucs, voilà, il y a des compensations, hein, voilà, mais au bout d'un moment, psychologiquement, quand t'as une masse de gens qui te veulent faire la peau parce que tu veux leur foutre des nègres dans les dents, voilà, mais t'as un problème. Et ça, c'est en train de se répandre partout, ça, en France. Partout. Donc ça boue de plus en plus. Et Paris arrive là-dessus, donc Paris, on sait ce que c'est, hein. C'est des bobos, des PD, des juifs, des nègres et des musulmans. D'accord? Grosso modo, hein. Donc, et eux, ils vous disent, ah bah toi là, fin fond là, dans le Tarn, ou je ne sais, dans Lot-et-Garonne, allez, allez, nous on a décidé que voilà, voilà, le préfet il va te dire, ah, puis maintenant tu prends ça et tu fermes ta gueule. Ouais, bon, ça commence à devenir problématique, quoi. Et là, on a un truc, parce qu'avec les JO, c'est vraiment ça, ils veulent faire le truc sur la scène et tout. T'as vraiment l'impression que c'est Louis XIV, quoi, hein, franchement, hein, je veux dire. Bon, je suis un peu méchant avec Louis XIV parce que, bon, au moins, c'était un roi français. Donc... Mais quand même, c'est un peu ça, quoi. C'est le monarque, il veut son truc, tu vois. C'est Macron veut son truc. Il veut au centre des jeux. Donc, il veut des navires sur la Seine. Il veut la Tour Eiffel. Il veut des photos. Il veut 15 jours à se faire mousser, Macron. Vous voyez, le mec est tellement malade. Il est tellement mégalomaniaque que lui, si vous voulez, il est prêt à foutre à feu et à sang la France. En incendiant une plaine qui ne demande qu'à être incendiée, simplement pour 15 jours, à se faire reluire le jonc, pour parler très vulgairement. Et il s'en fout, quoi. Il dit, ouais, j'en ai rien à foutre, quoi. Donc il doit dire à son corps préfectoral, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Il dit à son ministère de l'Intérieur, allez, vous me voyez, allez, on vide, voilà. Et là, je crois qu'il faut un réflexe, parce que c'est une réflexion plus profonde, je crois, qui se pose, au-delà du caractère circonstanciel. Je pense que c'est maintenant, il est clair que l'État central, jacobin, tel que professionnalisé par Bonaparte, quand il est devenu empereur, cet État doit être démantelé absolument. C'est plus possible. Oui, c'est parce clair. Que si il reste debout, ça va continuer, c'est inévitable. Les gens qui disent, on va gagner des élections à Paris, le truc, non, c'est une énorme machine, c'est une bureaucratie énorme. Les populations n'ont aucun moyen de s'opposer, vous n'avez pas de levier pour dire stop, il n'y a pas de frein. Le préfet arrive, bonjour, je vous mets ça, et toi t'es là, tu peux pas. Le préfet te dit « Désolé, j'ai pas de levier, je peux pas dire non. » Sur les logements sociaux, sur l'accueil obligatoire de ces trucs-là, il n'y a rien. Mais il te dit surtout « Vous êtes un raciste, un antisémite, monsieur. » Oui, mais au plan institutionnel, si tu veux, tu n'as pas de frein. Il n'y a rien. Même si tu as un maire qui est totalement d'accord avec toi, qui dit « Je suis d'accord. » Il n'a pas de frein, il n'a pas de levier, il n'a que dalle. Il dit, désolé, je ne peux rien faire. Le préfet a décidé, ça n'est pas de mon ressort. Tout le problème est là. C'est vrai au niveau des communes, c'est vrai au niveau des départements, c'est vrai au niveau des régions. Il n'y a aucune espèce de frein. Donc, la pourriture parisienne, j'entends par là, l'appareil d'État central avec ses juifs, avec Macron, toute la vérole maçonnique, tous ces PD, toute cette merde qui pourrit, qui fermente à Paris... peut t'envoyer toute la merde du tiers-monde qu'elle veut, toi, t'es là, merci, au revoir. Ça peut pas continuer comme ça. Et c'est pas les élections qui vont changer quoi que ce soit. Peu importe ce que racontent les... C'est pas vrai. Il faut des leviers concrets qui soient accessibles aux populations, au plus près du terrain, pour mettre un droit de veto sur toute cette merde. Donc ça veut dire de complètement renverser l'organisation du système en France. Parce qu'aujourd'hui, c'est pyramidal, le haut dit, à Paris, le bas applique. Et les préfets sont chargés d'assurer l'application froide de cette politique raciale. Donc ça ne peut pas durer. Donc le problème, c'est l'État. C'est l'État. C'est pas le parti au pouvoir. C'est pas la majorité à la... C'est l'État dans sa structure. C'est ça aujourd'hui le problème. C'est l'État. Et quand les gens doivent le comprendre, que le problème, c'est l'État, et on l'avait déjà vu avec le Covid, le problème, c'était l'État. Paris a donné un ordre, et tout le monde, et toute la chaîne de commandement a appliqué, et il n'y avait aucun contre-pouvoir, rien, on ne pouvait rien opposer. Ni par corporation, c'est-à-dire par métier, ni par territoire, rien, on ne pouvait rien faire. Vous voyez ? Il faut restaurer de véritables corps intermédiaires, pour dire merde. Voilà ce que je pense. C'est fondamental. Il faut une rupture et il faut qu'on sorte de deux siècles de jacobinisme. Voilà. C'était marrant, ça a permis des trucs. Etc. Voilà, bon, c'était bien. Maintenant, il faut que ça s'arrête parce que racialement, on joue notre survie. Hein. Je veux dire, si ça continue au même rythme là, sur les 30-40 ans, avec la même administration, la même chaîne de commandement, la même application méthodique et froide, on est mort. Donc, voilà ce que je pense. Oui, d'ailleurs, les gauchistes l'ont bien vu avec leur histoire de réforme des retraites, là. Ils avaient aucun recours, ils ont bien fermé leur gueule, on leur a envoyé les CRS, on leur a tapé dessus, et bah là, c'est en train de se calmer. Donc, ils ont même arrêté de pourchasser les ministres, d'après ce que j'ai pu voir. Donc, tout est organisé en France pour que les gens soient impuissants, et je me fais un grand plaisir de le rappeler aux gens maintenant, quand ils parlent de démocratie ou quoi que ce soit. Il suffit de leur parler de ce qui s'est passé avec la réforme des retraites pour leur dire « Non, tu n'as strictement aucun pouvoir, tu peux uniquement bien la fermer. » Alors, c'est pourquoi je parle de ça, la question de l'organisation de l'État au plan territorial et politique, à la faveur de la question raciale, de la mise en place du grand remplacement. Et je pense en fait que la Révolution française est en train d'accoucher de ses derniers fruits. Et ça touche fondamentalement à la question donc de la nation, qui est au plan politique une invention de la Révolution française. Alors je sais qu'il y a des discussions qui vont dire que la Révolution française n'a pas inventé la nation française. En tout cas, ça, le concept, mais c'est certainement lui qui en a fait un concept politique, c'est le plus important. Et donc la nationalité française, la nation française, le nationalisme français est inséparable de la Révolution française. Et c'est tout le problème de cette maladie auto-immune, puisque à la racine de la Révolution française, nous avons en fait une révolution à caractère social, de classe, libérale dans son premier versant, socialiste dans son second versant, voire carrément bolchevique et terroriste avec Robespierre, mais le ver est dans le fruit avec les droits de l'homme et sa dimension abstraite, critiquée évidemment très fortement immédiatement par Burke, le philosophe irlandais, l'homme politique irlandais, extrêmement visionnaire, parce que lui, au bout de 6 mois de la Révolution française, c'est-à-dire que la Révolution commence au mois de juillet, juin-juillet. Et Burke prend déjà la parole au Parlement britannique et liquide la Révolution 6 mois après. C'est-à-dire qu'au mois de février 1790, il prend la parole et il parle sur la Révolution, et c'est tout à fait édifiant, parce qu'il dit « c'est extraordinaire, les Français sont les plus grands destructeurs de l'histoire, ils ont détruit leur nation, ils ont détruit leur... tout ce qu'ils font, leur grandeur, etc. Enfin, c'est absolument incroyable. Et un petit peu plus tard, la même année, évidemment, il fait un livre sur la Révolution française dans lequel il annonce en fait la catastrophe de la terreur, en fait, puisqu'il faut savoir que la République est proclamée en septembre 1792 et que le bain de sang commence 4 mois plus tard. Il commence même tout de suite avec... l'extermination des opposants politiques dans les prisons françaises, mais formellement au début de 1793, après l'exécution du roi de France. Donc la mécanique républicaine est implacable dès le début. C'est une emprise de destruction. Alors, bon, par le poids de l'habitude, parce que quand même cette grosse putain qu'on appelle la République française s'est installée pendant 150 ans, elle a pu essayer de se faire passer pour un régime inoffensif. La guerre de 14 a joué un grand rôle dans ce sens, d'ailleurs. Et Maurras, le nuisible entre tous, avec ses idées absurdes, a joué un rôle, je crois, totalement létal dans cette entreprise, parce qu'il a finalement réussi à coaguler toutes les forces de droite qui étaient encore saines pour les pousser dans les bras de la gueuse contre l'Allemagne. Ce qui a scellé la domination républicaine sur la France en 1918. C'était absolument incontestable, grâce au drapeau tricolore et au nationalisme. Donc c'était fini. La droite était grosso modo complètement liquidée, et le travail a été terminé en 1944, et j'en suis content, grâce à la Providence, Maurras a été dûment châtié pour sa stupidité. Puisqu'il a été châtié pour... pour germanophilie, ce qui est quand même assez extraordinaire. La Providence fait toujours les choses très bien. Mais maintenant, je parlais donc de la structure du pouvoir, donc de ce régime républicain qui parachève le travail, en fait, donc l'écarissage, hein, après la Vendée, la France. Donc on y est, on est en plein dedans. Et se pose la question de la nationalité. Je vois que ça brûle beaucoup de lèvres, puisqu'il y a beaucoup de, finalement, il y a beaucoup d'indigènes, d'autochtones, des blancs, qui commencent à se poser deux, trois questions quand même. Parce que finalement, la nation, la nationalité, c'est bien gentil, quoi. Hein. Mais on se rend compte que tout le monde, il est français, que tout le monde, il a des papiers français, que l'extrême droite française, Rassemblement National Zemmour et compagnie, ça propose quoi ? De donner des prénoms français à des babouins, à des musulmans, et de dire qu'ils sont français comme tout le monde à partir du moment où ils payent leurs impôts et ils ne renversent pas les vieilles au coin de la rue. Bon, ça fait court. Donc il y a des gens qui commencent à se poser des questions. Et alors, Thaïs Escuffon a fait une vidéo dans laquelle elle dit « Mais français, c'est un peu plus que ça. » L'identité, ce n'est pas qu'une idée. Être français, c'est certes une culture, c'est une gastronomie, c'est un art de vivre, c'est une musique, mais c'est aussi une identité concrète qui se traduit dans un peuple. Ça va peut-être paraître dur à l'oreille de certains d'entre vous, et je le comprends volontiers si je vous dis que pour être français, il faut être européen de souche. Mais si je vous dis que Clovis n'était pas noir, ça semble évident. Et d'ailleurs, si on parle des Japonais, par exemple, et qu'on dit que les Japonais sont asiatiques, ça ne choque personne. Mais systématiquement, quand on parle de la France et qu'on dit que les Français sont européens, là, ça choque. Parce que oui, l'identité française, on la réduit souvent à la simple idée de culture. Si on avait une France qui était peuplée, je sais pas moi, de 70 millions de Congolais qui mangent du saucisson et qui vont à l'église le dimanche, eh bien, ce ne serait plus la France, et c'est normal. Les non-européens peuvent être l'exception, mais pas la règle. Et c'est comme ça dans tous les pays du monde. Après tout, on ne demanderait jamais à l'Algérie de pratiquer l'assimilation de masse, alors nous n'avons aucune raison d'être les seuls à le faire. Finalement, si on pense en termes d'identité, il faut définitivement tourner la page de l'assimilation et admettre une réalité simple, celle que le XXIe siècle posera des défis démographiques majeurs à notre pays. Nous ne sommes qu'au début du phénomène d'immigration massive et de ses conséquences. Nous devons donc nous adapter si nous voulons protéger notre culture. Même si c'est difficile à accepter, la seule solution, c'est la remigration. Aujourd'hui, il faut penser en termes de remigration, mais non seulement de remigration, surtout d'affirmation. L'idée, c'est d'arrêter de chercher obstinément à ce que l'autre nous ressemble, mais de devenir véritablement ce que nous sommes. De mon point de vue, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est la quadrature du cercle, en fait. Elle essaye de sauver la nation française du nationalisme français, c'est-à-dire de Valmy et de 1989. Entreprise, à mon avis, vouée à l'échec, comme l'a prouvé Maurras. Mais elle essaye en disant, mais vous comprenez, français c'est plus que ça, il y a un peuple historique, il y a une population autochtone, il y a une culture, enfin en gros la France réelle contre la France abstraite, la France légale. Maurras a essayé dans le registre, hein, voilà, essayer de dire non, attendez, il y a la France abstraite des droits de l'homme, c'est pas la véritable France, ça n'a pas marché, et Thaïs Escuffon essayait ça aussi. Bon. Et ça a suscité des cris absolument terrifiés de métèques, mais surtout de droitards, qui sont scandalisés qu'on veuille les priver de mulâtres, patriotes, avec des prénoms français, et puis surtout de joueurs de l'équipe de France. Il ne faut pas oublier quand même que sans les nègres, l'équipe de France n'existe plus, visiblement, c'est ce qu'on nous dit. Donc c'est catastrophique. Je note d'ailleurs au passage, en passant, qu'il y a un breton récemment qui s'appelle Le Normand. C'est quand même assez cocasse pour un breton. Mais il y en a, hein, y a des bretons qui s'appellent Le Normand, qui s'est fait naturaliser espagnol pour jouer dans la sélection espagnole. Bon. Là, il y a des symptômes qu'il ne faut pas évacuer d'un simple revers de main. Hein. Il se passe des choses, visiblement. Hein. Donc il est clair que pour les Blancs, on ne peut plus jouer au football en France. Hein. Donc il faut aller à l'étranger, dans des pays encore relativement blancs comme l'Espagne, ou d'autres, hein, je veux dire. Ou en tout cas, les Blancs ont le droit de jouer au football. Donc en fait, la question de qu'est-ce qui est un Français ? Qu'est-ce qui fonde la nationalité française ? Et en fait, tout le monde essaie de le chercher, mais tout le monde a 40 réponses. Et ça ne fonctionne pas. Et alors, Messia arrive, et c'est en écho. Parce que notez bien, que Messia et Thaïs Escuffon sont censés appartenir, grosso modo, au même courant politique. C'est le courant de Zemmour, hein, opposé au grand emplacement, etc. Or, leurs réponses s'excluent mutuellement d'une manière radicale. Et ça, c'est intéressant. Parce que, normalement, il ne peut pas y avoir plus proche politiquement. Ils sont dans le même camp, hein. Zemmour. On ne peut pas faire plus proche. Et leur formulation est incompatible. Alors, je vais citer Messia, qui répond à des gens qui, sur Twitter, lui font valoir qu'il est d'origine d'ascendance égyptienne, arabe-égyptienne, et que donc, bon, bah, je veux dire, c'est pas un Français de souche, quoi. C'est pas un Français de sang, c'est pas un vrai Français, comme on dirait. Mais pourtant, un Français légal. Et un Français, comme il dit, assimilé. C'est-à-dire qu'il parle français, il n'y a pas d'accent, tenue vestimentaire, etc. Mais il y a des gens qui font... Bon, alors, je lis son propos. Petite précision pour les hordes de trolls ignares qui me rentrent dans le lard m'accusant de participer au grand remplacement. Les immigrés parfaitement assimilés à la France n'ont évidemment pas remplacé la France. Au contraire, ils ont remplacé leur identité d'origine par l'identité nationale française. L'identité nationale française. Ils sont donc français d'identité et de nationalité au même titre que les Français de souche. Ils sont égaux. Donc il y a la similitude d'identité, mais qui ouvre sur la l'égalité des droits. Hein. C'est ça qui est intéressant. En revanche, les immigrés qui s'acharnent à cultiver en France leur identité d'origine sont, eux, en plein dans le grand remplacement. Ces immigrés-là, dont une majorité arrivée avec le regroupement familial, à partir des années 80, remplissent à leur corps défendant la mission que leur est assignée par le système gaucho-progressiste antinational dont l'objectif est d'en finir avec la France. Dans la poursuite de l'inversion des valeurs que ce système inique nous impose, on appellera donc Français tous ceux qui se sont uniquement donné la peine d'y naître, mais aussi ceux qui haïssent la France jusqu'aux pires ennemis de notre pays, djihadistes, terroristes, islamistes. Et ce même système s'acharnera à renvoyer à leurs origines et à appeler immigrés tous ceux qui sont assimilés à la France et qui aiment leur pays d'adoption. Merah, Kouachi, Koulibaly, les djihadistes partis rejoindre Daesh, tous français. Et si vous les appelez immigrés, vous êtes racistes. Patrice Carteron, Verlaine Jenny, Tanguy David, Claire Kotz, Sonia Mabrouk, Jean Messia, des Africains, une Turque, une Tunisienne, et un Égyptien, tous Français assimilés, mais que des immigrés traîtres à leurs origines aux yeux des gaucho-progressistes antinationaux. Nous abattrons ce paradigme idéologique mortifère et remettrons les choses à l'endroit, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il nous en coûte, notre pays doit revenir, notre pays doit nous revenir, nous, hein, et il nous reviendra, je vous le promets, et là, c'est trois drapeaux tricolores. Alors, donc, je résume le propos en trois points. Les immigrés qui ont un prénom français et qui s'assimilent et qui disent bonjour, merci, au revoir, ne remplace pas les indigènes, parce qu'en fait, les indigènes n'existent pas en tant que tels. C'est pas une catégorie à part et fermée. Ils sont aussi français que les Français de ces 20 derniers siècles. Et ce processus donc d'intégration, d'assimilation, d'assimilation comme ils disent, hein, a foiré en 1970 avec 2 millions d'Algériens, mais on ne sait pas comment, cela va fonctionner en 2030 avec des masses qui ont été multipliées par 10. Donc voilà le propos de Messia. Alors, je vous donne la parole de ce que vous avez entendu du propos de Messia, avec des points qui sont factuels, avec lesquels tout le monde se... C'est ça toute la perfidie de Messia, c'est qu'il donne des points factuels dans lesquels tout le monde se reconnaît. Quoi. Il cite des gens absolument infréquentables, absolument odieux, ingrats, absolus, que tout le monde réprouve. Kouachi et compagnie, voilà. Donc tout le monde est là, bah oui, évidemment, voilà. Puis ensuite, il vous met ça en vis-à-vis. Ah non, mais là, attendez, moi j'ai des nègres et des arabes exemplaires, là, ils sont super français, là, voilà. Ça c'est bien, ça c'est pas du grand remplacement, ça c'est très bien. Voilà, ça c'est de la France assimilée, c'est du patriotisme. Voilà, ça c'est la France que je veux. Alors, là, je vous sollicite, j'aimerais avoir votre opinion sur ce point de vue. Est-ce que... Alors ça, on est dans le mouvement Zemmour, hein, attention. On n'est pas... c'est pas la gauche... On est dans le rousseauisme et le contractualisme révolutionnaire, il n'y a pas de problème. Mais c'est Zemmour. Alors, votre avis. Moi, j'aimerais entendre parler de ça. Et je le mets en vis-à-vis avec Thaïs Escuffon, qui a dit, grosso modo, l'inverse, quoi. Qui a dit, vous pouvez être complètement assimilé, mais si vous n'êtes pas, en gros, de souche européenne, vous êtes pas des Français, quoi. Alors, votre opinion. Moi, ce que je peux dire sur cette situation, c'est que, en fait, quand Jean Messia, en fait, finalement, il légitime tous les étrangers, sauf ceux qui sont délinquants. Et ceux qui sont délinquants, c'est-à-dire en prison, qui brûlent des voitures, qui font du trafic de drogue, ceux-là doivent quitter le pays. Et comme il s'exprime bien, il est bien habillé, il parle bien, il est éloquent, etc., bien, face à son discours, le blanc lambda, il va se dire, bon, ce qu'il dit, c'est vrai, il est légitime, sauf que c'est une erreur, je pense, parce que, en réalité, parmi la masse des 20 millions, disons, d'étrangers, il y en a peut-être que moins de 500 000 ou 1 million qui sont avec des comportements inacceptables. Ça veut donc dire que les 19 millions ou moins, c'est des chiffres approximatifs, hein, tous ceux qui se comportent bien, qui sont la majorité en fait, qui n'ont pas de problème de justice, donc ils ont toute leur légitimité. Et le problème que ça cause, c'est-à-dire qu'on va entériner le fait que ces étrangers débarqués sur un territoire blanc sont légitimes. Et donc, naturellement, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des mariages mixtes, du métissage. Et donc, à la fin, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, donc, plus les générations vont passer et moins il y aura de blancs. Et donc, ça va occasionner la disparition des blancs. Donc, c'est un piège de dire. C'est un piège de dire, ben, seuls les délinquants doivent partir. Parce que si on se projette dans une, deux générations, ben, ce sera délétère pour la survie des autochtones, en fait. En voilà. Tout cas, Messia est un bon républicain. Ça, je tiens à insister, c'est un bon républicain. Jean, toi, bon, voilà. Les déterminismes raciaux, le QI, le rôle de la race dans la création de la culture, la pérennité du peuplement historique de France, c'est ça ? Tout ça, c'est peut-être des questions qui t'intéressent, je ne sais pas. Ou non, au contraire, toi, tu es sur un volontarisme républicain, tu te reconnais dans le rousseauisme de Messia. Absolument, tout le monde connaît mes positions à ce sujet-là. En fait, ce qui fait cette espèce de chamelier, ça s'appelle la technique du pied dans la porte. C'est-à-dire, vous mettez le pied dans la porte et puis... ensuite, vous faites accepter de plus en plus à votre interlocuteur. Ça s'appelle une méthode de manipulation, parce que c'est toujours ce qui se passe. Ils commencent par nous dire oui, mais il y en a des biens, ils travaillent, regardez, ils rapportent des sous, ils font tourner le système social, et puis ils s'intègrent, ils font des efforts. Et donc, eh ben, il faut qu'ils fassent venir aussi leurs cousins, parce qu'il n'y a pas de raison, puisque eux, ils sont là. Et donc, ben, de proche en proche, vous vous retrouvez avec toute l'Afrique chez vous, comme la situation actuelle. Donc, il faut dire non, immédiatement. Non, tu n'es pas français. Non, tu n'as rien à voir avec nous. Et d'ailleurs, va-t'en, même si tu parles français, que tu aimes la France. Parce que c'est deux idées qui s'opposent et qui sont inconciliables. La première, c'est que le fait d'être français, c'est une question de volonté, d'amour, de motivation, des choses un petit peu abstraites, relativement invérifiables. Et puis, il y a la conception purement raciale de dire, bon ben, c'est un peuple de souche européenne et avec une certaine génétique qui a été façonnée avec le temps et qu'on est en train de modifier fondamentalement comme ça. Et en fait, ce que dit Messia, c'est le contraire exact de la réalité quand il dit que les grands remplaçants, c'est les Kouachi, ou c'est je ne sais quel exemple d'immigrés qui attaquent. En fait, c'est pas des remplaçants, puisque c'est des ennemis ouverts. Les Kouachi, ils prennent une Kalachnikov et ils nous attaquent. Donc c'est très clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Alors que Messia, il espère nous remplacer. Il espère faire le français. Il espère que ben on sera plus là et qu'il pourra continuer à s'habiller en français du 18e siècle avec des habits d'aristocrate et qui pourra faire singer le français ad vitam aeternam. Ce que Jean Raspail appelait les Bernard l'ermite. Ah, j'ignorais. Ouais. C'est ce qu'il appelait ça. Il disait des Bernard l'ermite. Moi, je pense que le piège, en fait, c'est de faire croire qu'on peut devenir français c'est en pensant que c'est une question de valeur. Ce n'est pas une question de valeur. Il y a des Français biologiques qui sont des crapules, mais ils sont français. Et il y a des personnes de valeur étrangères, mais elles ne sont pas françaises dans le sens biologique, génétique. En fait, c'est simplement la conception réaliste de ce qu'est une nation, au sens strict. Nation vient de la racine latine natus, qui veut dire naître. Donc ça renvoie à la filiation biologique, à la naissance. C'est comme une famille. En fait, une nation est l'extension de la famille. Il y a la famille, la tribu et la nation. Donc en fait, c'est une extension biologique, par la naissance, la filiation. Dans une famille, il y a des gens qu'on n'aime pas. y a des gens qu'on aime. Mais c'est la cellule de base de toute société. Or, ces gens, et la Révolution française prétend qu'on va former des sociétés politiques sur la base d'une simple adhésion déclarative à des idées. C'est purement déclaratif. C'est purement déclaratif. Et c'est des idées à un instant T. C'est-à-dire que les gens peuvent changer d'idée. Donc, les gens peuvent dire « Je me reconnais dans ces idées-là. Donc, je peux devenir français. » Et, si ce n'est eux, leurs descendants, changer complètement d'opinion, bénéficier de la nationalité française et ne plus du tout se reconnaître dans la nationalité. Donc, on voit le piège. D'autant qu'on sait que les caractères, c'est d'où l'importance du réalisme biologique, se transmettent par la filiation. N'est-ce pas ? Le caractère des peuples se transmet par le sang et la génétique, comme le caractère d'un enfant sont hérités de ses parents, aussi bien au physique et souvent qu'au moral. Donc, l'imposture selon laquelle on puisse décréter une nationalité chez un individu par la pure vertu de la géographie ou de l'humeur est une mystification intégrale qui ne peut que se retourner contre des autochtones qui y adhèrent. Donc en fait, ce qui est en train de se passer, c'est ça qui m'intéressait dans cet échange, on se rapproche de la question, c'est qu'on est en train d'enterrer la Révolution française. C'est-à-dire que sous les flots de l'immigration massive, avec les naturalisations de masse qu'opèrent les préfets dont j'ai parlé avec amour précédemment, comme on dit, tout le monde il est français. Qu'est-ce que ça veut dire la nationalité française ? Alors les gens vont dire, mais si, la nationalité française, c'est les vrais Français, les Français. Oui, d'accord, mais politiquement, c'est pas opératif. Tout le monde peut dire, non, mais on sait ce que c'est un vrai Français, un Français de souche, on sait ce que c'est un Gaulois. D'accord, mais politiquement, c'est pas opératif, on sait pas ce que c'est. Institutionnellement, non, on sait pas. Ça n'a pas de réalité opérative au plan politique, d'accord ? On peut se mettre d'accord dans une discussion là-dessus. On peut créer un mouvement d'opinion qui se retrouve là-dedans. Mais en termes pratiques et politiques, ça n'a pas de traduction. Donc, c'est tout le problème. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime pas du tout la discussion autour de de l'identité. Donc, la nationalité française, pour moi, est compromise à l'origine. Bon, là, je l'ai dit, à cause de la Révolution. La réponse a été apportée d'ailleurs par le nationalisme allemand, d'ailleurs, qui a ensuite inspiré la plupart des nationalismes. Partout en Europe, la plupart des nationalistes sont des nationalismes de type allemand, hein, sont des nationalismes ethniques. La question identitaire est une fausse question. Parce que l'identitaire, c'est subjectif. Et vous voyez, quand vous êtes dans une discussion identitaire autour de la France, mais il y a autant de définitions de l'identité française qu'il y a de français. Donc t'as Mohamed qui arrive, il dit non, mais être français, c'est comme ça. Donc t'as Mohamed, c'est le mec anti-France. Il va dire, moi j'ai les papiers français, je suis français, va niquer ta mère. Moi je suis un double, va niquer ta mère. Puis t'as un descendant de Harki, il va dire non, moi les Rabzas, les Rakaï, je peux pas les saquer, etc. Moi je suis un vrai français, mais mes grands-parents, ils ont combattu pour la... Tu vois, ça c'est encore une autre définition. Puis ensuite tu vas voir les Juifs, tu vois, le truc. Puis ensuite tu vas voir les Métis, tu vois, des îles, tu vois, il va encore avoir un autre truc. Puis ensuite tu vas voir un pauvre Normand, il va être là, non, mais moi je pense que... T'as autant de... Donc en fait, quelle est la seule déformation objective qui a une valeur ? La définition de l'État. C'est la seule valeur objective sur laquelle tout le monde est obligé de se mettre d'accord, puisque c'est la seule qui a une traduction concrète. C'est quoi la définition de l'État ? Le dernier Rastaquouère, il peut être français. C'est la Révolution française. C'est défini sur des catégories molles, les droits de l'homme. Ici commence le pays de la liberté, hein, voilà, donc c'est un truc, on ne sait pas ce que c'est, quoi. C'est une église, voilà. C'est une église, hein, c'est une religion, mais c'est pas une nationalité. C'est pas réel. Donc en fait, la définition réaliste de la nationalité, telle que fixée par les Allemands, pulvérise, en fait, dans les circonstances actuelles qui sont les nôtres, à savoir les circonstances d'immigration massive, la nationalité héritée de la Révolution française. Donc ce à quoi on assiste, c'est l'enterrement en grande pompe de la nation française. La nation française est en train de crever de l'immigration. Elle va crever, ça va disparaître. Et avec ça, Valmy, et avec ça, les droits de l'homme. C'est ça qui est en train de se produire. Donc tout le monde est en train de se déchirer, savoir comment, le quoi, du qu'est, etc. Alors c'est marrant parce que quand on pousse vraiment le truc, vous avez même des gens qui vont vous dire « Non, mais les vrais Français, ils sont chrétiens. » Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça. Mais c'est vrai catholique. Non, si Mamadou, il arrive de son... Enfin, pas Mamadou, tant pour moi. Si Augustin, le fier Congolais catholique, arrive de son Congo natal et que c'est un bon catholique, il a vocation à s'inscrire dans le baptême de Clovis. par la foi, n'est-ce pas ? Alors que bon, un blanc raciste, bon, mais qui est athée, quoi. Je veux dire, bon, bah, lui, finalement, c'est pas un vrai Français, c'est un mauvais Français. Il s'inscrit pas dans la vraie histoire de France. Vous voyez ? Et ça, c'est juste pour. Là, je balaye rapidement, mais. Comment dirais-je, ça devient de plus en plus caricatural sur la question bah, du devenir racial de l'Europe qui est en jeu, puisqu'on voit que toutes les nations européennes sont en train de se occidentales sont en train de se décomposer comme ça, et on a des souverainistes, donc les gaullistes, donc les traîtres entre tous, qui nous disent non, mais la priorité c'est de combattre l'Allemagne, hein, voilà, donc la pauvre République fédérale d'Allemagne, ses écologistes, ses gouines, ces trucs, qui est repeuplée de Turcs, de Syriens, tout ce que vous voulez, c'est parce que c'est des Boches, c'est des Prussiens, ils vont nous dévorer vivants, voyez. Mais pas couper la main des petits enfants. Voilà, mais pas les Algériens, les Nègres, là, qui baissent leurs filles. Ah, ils voient rien, là, ils sont pas au courant. Ils sont pas au courant. Non, ils applaudissent, tu vois, c'est quand t'as un match France-Allemagne. Bon, maintenant, il y a plus que des basanés aussi dans l'équipe d'Allemagne. Mais quand les mecs, c'est là, ouais, en avant, vive la sélection française. Alors, par exemple, moi, je pense que c'est un critère absolument déterminant. Si vous vous reconnaissez dans une sélection française où il y a des babouins, des Nègres, des bicots, etc., vous faites partie du problème, pas de la solution. Et c'est tout le problème. Révolution française, nationalité française aujourd'hui telle qu'elle existe, opérativement, et ce à quoi elle amène. Et donc, tant que cet État révolutionnaire hérité de deux siècles de révolution tient, il va négrifier. Mais les gens, par réflexe, par lassitude, par faiblesse, par lâcheté, par convention, par adhésion, se reconnaissent là-dedans. Et moi, je dis, ça y est, c'est fini. Ça, c'est terminé, c'est l'époque d'après. Donc, on va vers autre chose. On va vers quelque chose de radicalement différent, qui va enterrer le nationalisme révolutionnaire, qui va enterrer les tentatives poussives et inopérantes de la réaction maurassienne de trouver un juste milieu entre la Révolution française et la Révolution allemande de 1933. Et on va vers autre chose, voilà. Mais je pense que là, on arrive à un point de rupture parce que ça devient intenable. Quand vous êtes dans les villages, qu'il y a les blancs qui essayent de se défendre, mais ils n'ont pas les outils, si vous voulez, les outils politiques et idéologiques pour résister, parce qu'ils savent pas trop, ils prennent un drapeau tricolore et ça, mais c'est bancal, ça marche pas parce qu'il y a pas de souffle derrière, on sent bien que ça marche plus. Mais oui, voilà, ils sont là, oui, mais l'église, le clocher, le truc, tu vois, t'as une grosse gueule, tu vois, de nègre avec, tu vois, il a ramené ça ce malade. Mais tu sais, lui, c'est un bon catholique, tu vois, tu sens que ça marche plus, tu vois. Puis en plus, t'as l'évêque qui va taper sur les doigts, hein, dire attention, hein, les valeurs chrétiennes, c'est pas ça, hein, les valeurs chrétiennes, c'est l'accueil, hein. Bon, voilà, c'est mort. Donc, il va falloir autre chose. Et cette autre chose, c'est le racisme, on le voit, on le sait. Mais, il y a un orgueil chauvin. Qui résiste parce que c'est admettre les erreurs, c'est admettre les égarements, c'est admettre les échecs. Et ça plaît pas à tout le monde, hein, voilà. Et c'est intéressant parce qu'on est au tournant. Et le mettre en regard les réflexes, on va dire les réflexes ethniques de Thaïs d'Escuffon, qui essaye malgré elle de sauver un truc irrécupérable, et les tentatives, tout aussi inutiles d'ailleurs, de Messia de sauver un truc qui est irrécupérable, parce que la masse des basanés en a rien à branler, eux ils ont les papiers, ils en ont rien à foutre, ils s'assoient là, ils disent « va niquer ta mère », je veux dire, ils s'en tapent totalement, quoi. Voilà. Mais ça c'était je voulais vraiment insister là-dessus dans l'émission avant de se séparer, parce que ça y est, on se rapproche du moment de vérité. Et mais très vite maintenant là, je pense, très très vite, très très très vite. Du coup, je vous donne la parole. Quoi. Est-ce que vous pensez que j'ai tort totalement, ou pas? Bravo à Thaïs d'avoir mis les pieds dans le plat en fait, en disant qu'un Français est européen, sous-entendu de souche. Après, on pourrait aller plus loin en disant que tous les Européens ne sont pas Français. On pourra toujours ergoter pour affiner c'est quoi être Français. Donc c'était pour dire bravo, parce qu'au moins ça permet de faire une distinction au sein de la droite, parce qu'il y en a, ils occultent totalement la question raciale, biologique, c'est-à-dire tout sauf les gènes, le sang. Et donc, ah bah là, moi, là je pense que tu m'as à peu près d'accord. À peu près tous les partis politiques de France, de Navarre, les sociétés intellectuelles, les écrivains. Enfin, il y a à peu près tout le monde qui est d'accord pour dire que non, c'est absolument pas ça, être français. Mais j'ai tendance à être d'accord. Moi, je veux dire, moi, j'écoute les Français. Si tous les Français me disent être français, c'est surtout pas la race. Ok. Tout sauf ça. Mais ça m'empêche pas de m'intéresser à la race. Et du coup, je me dis, ok, d'accord, vous avez certainement raison. Donc, je continue sur le thème racial et bah, je vous laisse le truc français. Mais toi, Jean, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je suis parfaitement d'accord avec toi. Après, je pense pas qu'il y ait un changement qui vienne parce que les opinions auront suffisamment changé, même en faisant toute la propagande qu'on veut. À mon avis, le changement viendra par un état de fait qui est que l'État français est en faillite. En fait, quand tu parlais, j'ai eu une vision du Sri Lanka, c'est-à-dire qu'ils en étaient au point il y a quelques mois que plus personne ne voulait leur fournir du pétrole, puisqu'ils n'avaient plus aucune réserve de change et ils avaient peur que les bateaux qui viendraient dans les ports se fassent attaquer pour récupérer le pétrole qui était contenu dans les bateaux cargo. Donc, je me disais, en fait, c'est ce qui va finir par arriver à la France, c'est-à-dire que il y a un moment où quand l'État sera déclaré en cessation de paiement et que plus personne ne voudra fournir du pétrole et des ressources à la France, et ben tous les paysans qui travaillent dur là pour nourrir 67 millions d'habitants, dont 25 millions ou 20 millions de nègres qui prolifèrent, et ben ils auront plus rien pour alimenter tous ces gens. Et il y aura une sorte d'effondrement de la production alimentaire, et donc les choses changeront très vite à ce moment-là par un état de fait, puisque quand il n'y a plus rien à manger, on a tendance à raisonner très différemment de quand on est gros et repu oui, dans sûr. Une grande métropole. C'est certain. Bon bah écoutez, sur ce, on se sépare, on laisse la discussion ouverte et on se dit à la semaine prochaine. Salut. Salut à la semaine prochaine.